Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 65e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. T'as vu, je l'ai fait un peu plus enjoué. On a senti que tu souriais. Ah, t'as vu, voilà. On rigole pas, on t'a dit. Et on est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour l'émission autour d'un VR. Et pour m'accompagner, j'accueille mon petit Majo. Salut Majo. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. J'ai voulu faire un bonsoir à la hauteur de ton intro. Salut tout le monde. Salut. Bon, ça roule. Soir à Casimir ce soir. Ça va, écoute, je me réveille. Tu vois. Parfait, ben, t'es en pleine forme et t'es en pleine condition pour faire une émission exactement. Qui cartonne, c'est cool. Une bonne voix rauque, tout va bien. Parfait. Et ensuite, nous avons El Rocco. Salut El Rocco. Salut Sei, salut Majo. Ça nous fait plaisir de t'entendre. Bah oui, je suis sorti de ma grotte, voilà, enfin. Et bah c'est bien. J'ai temps, je suis disponible, je suis là. Parfait, et surtout t'as testé des jeux et c'est pour ça que t'es là. Et tu vas nous en parler tout à l'heure. Et enfin, nous avons forcément, hein, on peut pas se passer de lui, Laurent, salut, Lolo. Hello tout le monde, on peut pas se passer, ben, en ce moment on pourrait presque, parce que, mais bon, ça, il y a des rumeurs, on va parler de rumeurs. Bon bah tu peux te barrer alors Laurent, aussi. Ouais. Pas de problème. En même temps c'est le boss, t'as pas le choix. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est obligé contractuellement en fait de l'inviter. Donc, bah, ouais, c'est salut Laurent, c'est un plaisir. C'est contrat qu'on n'a jamais signé d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Faudrait qu'on en reparle d'ailleurs après l'émission, Laurent, parce que j'ai toujours pas reçu mon chèque. Hein. Ah, bon, bah écoute, bah, t'es pas c'est prêt à l'avoir. J'ai pas reçu ma PS5 non plus, alors tu me diras si c'est normal, je sais pas. Ouais, bah ça c'est pareil, je crois qu'on n'est pas prêt d'en avoir une non plus. Mais les gars, il va falloir l'acheter. Ah bah oui, c'est clair. Oh, le nanti qui parle. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai entendu que les PS5 à réserver chez Micromania, ce serait soi-disant que des digitales, enfin des numériques. Bah, non, tu choisis vrai de toute façon. Pas vrai. Bon. Bah, fake. Pardon. Steph, il a bien commandé chez Micromania et lui, il a une, enfin, une avec le lecteur CD. Hein. Ils ont peut-être du stock en digital, mais non, tu peux avoir les deux. Non, c'est en fonction de la commande. C'est en fonction de la commande. J'ai des personnes qui m'ont remonté l'info comme quoi il n'y avait que de la version numérique dans certains Micromania à commander. Quoi. Bah, je pense que la numérique, FNAC, non je pense que la numérique en fait se vend déjà moins que la normale, même si elle est moins chère. Mais le fait de ne pas avoir de lecteur, je pense que ça fait chier encore pas mal de gens. Et heureusement, j'ai envie de dire. Donc, voilà, quoi. Mon avis, c'est qu'il y en a plus. Hein. J'ai vu aussi, si vous voulez, à l'espace culturel Leclerc en Isère, t'as plein de Xbox Series S. Hein. Si vous en cherchez, il y en a plein là-bas. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Lolo, une petite remarque. Une petite. Est-ce que tu veux passer dans la next gen, Lolo? Pardon? En même temps, c'est la série S. Qui me parle? C'est même pas la série X. Ah, la série X, non, il y en a la pas. La série S, la Xbox SS. Voilà, je te laisse la primeur de ce jeu de mots qui est de très bon goût. Bah ouais, série S, je suis désolé. Hein. Alors, on va rester avec toi, Lolo, sur les infos et les rumeurs du moment. Qu'est-ce que tu as gratiné? Alors, c'est pas vraiment des infos, c'est des rumeurs. Alors, c'est vrai qu'on a hésité, on en a parlé un petit peu sur le Discord. Alors, pour ceux qui venez nous voir sur le Discord, parce qu'en fait, on fait des grosses discussions. Et donc, rumeurs. Nous, en fait, venez nous voir et parler, hein, ça j'insiste. Hein, oui, les gens qui viennent sur le Discord. Pour ceux qui se demandent comment aller sur le Discord, eh ben, vous allez sur le site de VR4Player et tout en haut, à droite, il y a un petit icône Discord, il suffit de cliquer dessus, vous avez une invitation et vous accédez directement sur l'application. Ça va vous ouvrir l'application Discord et puis vous pouvez après communiquer avec nous. Donc cette semaine, c'était plutôt quasiment que des rumeurs. Il y a eu même une chier de rumeurs. Ça a commencé, je dirais même bien avant, ça a commencé en août. C'était comme toutes les rumeurs, soit on en fait un article, mais en général, il y a le petit picto rouge, attention rumeur, donc là, il faut faire attention parce que rien n'est garanti. Et puis bon, bah, là, c'est vrai que cette fois-là, donc ça, c'est parti en août avec quelqu'un qui s'appelle, il a un nom, c'est donc Spechnal Nick, Spechalnik, on va l'appeler, Spechalnik, ouais. C'est le cofondateur du site xboxera.com et co-hosteur sur le podcast de Xbox Era. Donc en gros, c'est quelqu'un qui est à peu près comme nous. Il a à la fois un site internet spécial Xbox et il fait des podcasts comme nous. La différence qu'il peut avoir ce monsieur, c'est que, à mon avis, il est anglais. Et s'il se trouve bien placé dans la région de Liverpool ou du quartier de Soho, il y a un paquet de studios dans cette zone-là. Donc il est possible qu'il ait quelques contacts et qu'effectivement il ait entendu des bruits de couloir. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que c'est juste un petit gars comme nous qui a un site internet et qui fait un podcast que ces informations peuvent être tout à fait solides. Ouais. Donc lui, il avait commencé au mois d'août et c'était un des premiers à balancer qu'on lui avait dit qu'il y aurait un Wipeout qui allait sortir sur PSVR 2. Donc ça, c'était à peu près au mois d'août. Et puis, la semaine dernière, il a remis une couche, cette fois, sur Horizon. Comme quoi, donc, il y aurait Horizon qui devrait arriver également sur PSVR 2, Horizon Zero Dawn, hein, de Guerrilla. Ce serait pas un Horizon Zero Dawn, ni un Horizon, ni le 2, en fait. Ce serait une aventure à part. Qui serait. Alors, est-ce que ce serait une petite expérience encore pour ah non, pas d'expérience sur le PSVR, j'espère pas. On peut pas s'empêcher d'y penser, mais bon, voilà. Je pense qu'il y a eu le quota pour voir ce qui fonctionnait sur PSVR. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Parce que bon, c'est bien, il a des sources. Alors ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a pas mal de monde dans la presse qui a repris son info comme en tant que rumeur, en disant Horizon Zero Dawn qui arrive sur PSVR 2, et tous ont mis que c'était quelqu'un de très solide, en général ces informations ils se trompaient jamais et tout. Alors moi j'ai pris l'effet inverse, je suis allé chercher à quel moment il s'était planté en fait. Mm-hmm. Et c'est là qu'on trouve quand même pas mal de trucs. Alors ça veut pas dire qu'il a tort, parce que ce qu'il a annoncé qui n'est pas arrivé peut arriver plus tard, mais bon, si ça arrive pas dans 2 ans, on pourra dire que il a raconté des cracks. Mais je sais que bon, en cherchant un petit peu, ben, par exemple, il avait annoncé que pour le showcase qui allait arriver, il y allait avoir Infamous qui allait être annoncé au showcase. Donc bon, on l'a pas eu. Ça ne veut pas dire qu'il sera peut-être, il va peut-être être annoncé en décembre. Donc on attend. Mais bon, voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, d'un Horizon Zero Dawn en VR. Sachant que ce n'est ni la version PS4 ni la version PS5 qui va sortir, ce sera un autre jeu. Bah, comme disait Majo, hein, au secours les expériences. Hein, je pense qu'on a déjà suffisamment eu des expériences et des side projects de vrais jeux sur PSVR. Les TPS, on le sait, ça fonctionne bien en VR. Pourquoi déjà ne pas faire le 2 directement en VR, quoi, même rien qu'avec des réglages peut-être un peu moins gourmands pour la version réalité virtuelle. Mais ce genre de jeu-là d'aventure avec des décors grandioses et puis des ennemis aussi qui en imposent vachement, je pense qu'en VR ça pourrait bien dégommer. Bah, si nous sortent un truc, une petite expérience de 2 heures qui nous la vendent 30 balles ou 40 balles, non, bah, au bout d'un moment, il faut que peut-être aussi Sony, enfin on n'en sait pas plus, et c'est qu'une rumeur, mais j'espère que Sony en tout cas aura appris. De ses expériences justement dans le domaine de la réalité virtuelle ces dernières années pour pas refaire le même coup aux joueurs, quoi. Bah, justement, il y avait d'autres rumeurs qui disaient que Sony ne voulait plus se centraliser sur les expériences et qu'il voulait sortir plus de jeux compatibles. C'était une rumeur, ça? Je sais pas si c'est une rumeur, je l'ai pas lu annoncé par quelqu'un de chez Sony en tout cas. Alors c'est peut-être un dev qui l'a dit, mais c'était bon, pas le Husk là, comment Herman Hulst, il l'a dit quand ça? Ou alors il l'a dit en août quand j'étais sur la plage, parce que il me semble, ouais, que je l'ai vu cet été, moi, ça. Enfin, je l'ai lu quelque part cet été. Hein. Sur le blog de PlayStation, il me semble, hein, que j'avais lu vite fait. Bon, bah, dans ce cas, en faute de ligne. Alors du coup, ça remet un petit peu, parce que c'est bien joli, cette histoire de Horizon Zero Dawn. Pour moi, au départ, quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, bon, bah, ils vont prendre celui de la PS4, puis ils vont l'adapter sur PS5 en VR. La PS5, elle a largement la patate pour faire tourner des jeux PS4 en VR sur le PSVR 2. Et là, apparemment, d'après ce qui est dit, d'après cette rumeur, ce serait ni l'un ni l'autre. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. J'espère que ce ne sera pas un jeu de pêche. Moi, ce que... Ouais, c'est clair. Final Fantasy. FF15. Mais ce que j'espère aussi, c'est que... Enfin, ce que je trouve bizarre, c'est que Donc Sony qui ils veulent sortir de plus en plus de vrais jeux, on va dire, en réalité virtuelle. Très très bien. Ils vont sortir Horizon 2. Et ils vont sortir à côté un autre jeu Horizon avec de cette licence là, mais exclusif en réalité virtuelle. Je trouve ça un petit peu dommage en fait, ça aussi, parce que du coup ça va scinder encore les joueurs plats et les joueurs VR en deux familles différentes. C'est un petit peu ce qui s'est passé et ce qui a fait rager quand même pas mal de monde avec par exemple Half-Life. Tu vois, Half-Life, tout le monde attend Half-Life 3 et ils sortent Half-Life Alyx qui est super, mais qui du coup met de côté tous les fans hardcore de la licence Half-Life. Oui, mais que tu ne pourrais jamais jouer en plat avec le gameplay qu'il a. Que tu pourrais jamais jouer en plat, mais du coup malheureusement en fait il s'est fait quand même pas mal tailler, parce que il fait quand même pas mal rager Alyx parce qu'il est super, mais tu peux y jouer quand réalité virtuelle quoi. Donc c'est un peu Oui, mais ça permettrait de faire vendre du casque. C'est ce qui s'est passé avec Alyx. Avec Tekken annoncé... 7. Ouais. De toute façon, je pense qu'au final, le meilleur choix, ça serait de ne s'enfermer ni dans l'un ni dans l'autre. En fait, ne pas se priver de ces expériences qui seraient entre guillemets hybrides, mixtes, et ne pas non plus se priver de jeux qui seraient exclusivement plats ou exclusivement VR, parce que les jeux mixtes, on le voit avec, alors je vais prendre un vieux jeu, mais Doom 3 qui a été porté en VR. On voit que c'est un jeu plat qui a été porté en VR malgré le fait que ce soit un FPS qui, je pense, est l'un des jeux les plus simples à porter sur PSVR, enfin en VR pardon. Mais il y a quand même cette notion de gameplay qui n'est pas totalement interactif, parce qu'il y en a qui ne jurent que par le motion gaming, d'autres qui en ont approximativement rien à foutre, tu veux. Donc je pense qu'il faut quand même arriver à cumuler toutes ces expériences et ne pas s'enfermer ni dans l'une ni dans l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça le problème qu'on a avec le PSVR actuel, c'est que tu n'as que des expériences, que des jeux ou des expériences qui sont exclusivement motion gaming. Et si ça ne l'est pas, tu peux un peu te faire saquer par une partie de la communauté ou quoi. Donc je pense qu'il faut un peu des deux, parce que tu as quand même des joueurs qui sont demandeurs en motion gaming. Il y en a qui critiquent Hitman, par exemple. Exactement. Alors, c'est vraiment des cons. Hein. Non, alors l'hérésie d'Hitman, c'est que... Oh merde, on va pas revenir dessus. C'est reparti. Allez, on sait que t'en as envie. Vas-y. Bon, d'accord. Non, je l'ai déjà dit, ta ville. Je comprends pas qu'ils aient pas fait un gameplay qui soit full manette ou full move, mais ce gameplay hybride avec la manette, j'avoue que j'ai du mal. Bref. Bah, t'as essayé? Tu l'as essayé? Oui, j'ai essayé, mais la version démo ne marchait pas en VR. Mytho. Donc, du coup, j'ai essayé. T'as pas essayé. Mais j'ai essayé en plat, du coup. Ouais, du coup, tu n'as rien essayé du tout. Ok, bon. En reparlant de cet horizon, il faut savoir qu'en 2019, en octobre 2019, il y avait une autre personne qui avait balancé, qui était même le premier à avoir balancé le truc. Donc, si ça se trouve, le personnage anglais ne connaît pas grand monde, mais s'est servi de cette info pour rebalancer une news et faire mousser son podcast. C'est possible aussi. Et donc, c'était un garçon qui s'appelait Callum Hurley, qui était consultant en réalité virtuelle et qui, lui, avait tweeté un truc sympa. D'ailleurs, je vais vous le lire parce que c'était marrant. Il avait tweeté « J'ai été récemment mis au courant d'un nouveau jeu très excitant sur PlayStation VR développé par London Studio. Je ne sais pas si ce sera pour PS4, PS5 ou les deux, mais c'est vraiment excitant et ça pourrait être Horizon. » Et après coup, ça avait fait un tollé sur Twitter. En fait, lui, il avait mis ça comme ça, et puis il ne pensait pas que ça allait être partagé. Ça a été partagé. Et puis derrière, il s'est fondu en excuses en disant qu'il respectait les studios, qu'il ne voulait pas balancer le truc. Mais bon, le truc était lancé. Donc déjà en 2019, on parlait d'un horizon en VR. Là, c'est la deuxième fois qu'il y a quelqu'un qui en parle. On va peut-être attendre un petit peu d'avoir plus de fuites dans ce genre avant de regrouper tout ça dans un article, parce que, bon, à mon avis, ça va continuer. Moi, c'est pas le jeu que je me suis toujours dit que sur le PSVR 2, il y a des wipeouts, des machins comme ça, ça allait sortir, c'est sûr, parce qu'il y avait déjà des antécédents. Horizon, Guerrilla, ils n'ont jamais rien fait en VR. Là, ils le donneraient à un autre studio, notamment dans ce cas-là, ce serait FireSprite. Mais c'est pas le premier jeu que j'aurais vu arriver en PSVR 2. Si parce que c'est une énorme licence qui va faire vendre. Mais je veux dire, moi dans ma tête, c'était le jeu PS4 qui allait arriver complet. Là, si c'est encore un petit truc ou encore un truc à la... Alors, si vous vous rappelez Tomb Raider où on visitait le manoir. Enfin, franchement, le jeu PS4, je pense qu'énormément de gens l'ont fait. Oui. quitte à ce qu'ils sortent un truc sur le nouveau casque. Autant alors, que ce soit nouveau. Ouais, voilà. Je pense que. Je suis d'accord. Dans les débuts. Parce que là, les remakes, les remasters, les. Enfin, je veux dire, on en mange à la pelle. On râlait un peu aussi parce que la génération PSVR, ça a été un peu ça, avec Borderlands, avec Fallout, avec Skyrim, avec Hitman. D'autres jeux qui ont été d'anciennes générations. Il y a magie VR. Ouais, je suis d'accord, mais bon. Partons mais oui, sur du neuf, quoi. Voilà, c'est comme si il te posait un patch pour jouer à GT Sport en version full, alors que t'as GT7 qui arrive derrière et qui te le met pas VR. Enfin, tu vois, je le prendrais un peu comme ce côté-là, si tu veux. Bon, voilà, nouvelle génération, nouvelle console, on passe à autre chose et puis on essaye d'oublier un peu les remasters. Et puis s'ils veulent vraiment nous le sortir, eh bien, qu'ils nous sortent le 2 directement et puis voilà. Et puis le 1 suivant. Plus tard, mais pas au départ, quoi. Pas au lancement. Ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien le 2. Enfin, là, on rêve, hein, mais ça serait tellement bien le 2 direct en VR. Bien, putain. Et surtout qu'il va être porté sur PS4, donc il pourrait le porter en VR sur PS5. Ouais. Alors, apparemment, ça serait deux jeux différents. Enfin, oui. Ça serait le même jeu, si tu veux, la même histoire et tout ça, mais en termes techniques, il n'est pas du tout développé pareil, quoi. C'est pas juste un upgrade avec une meilleure résolution et tout ça. Ils ont vraiment fait les choses différemment, quoi. Ouais, ouais. Mais disons que la version PS4, ils peuvent. Enfin, moi, quand j'entends Horizon, pour moi, c'est ça. Si c'est encore un. Tu veux dire que Horizon 2, en fait, c'est une upgrade du moteur graphique pour c'est la PS5. C'est ça. Alors, d'après ce que j'ai lu, alors je sais plus où je l'ai lu, c'est pareil. Mais c'était pas une rumeur, c'était une info officielle. La version PS4 serait développée pour le système de la PS4 et la version PS5 serait développée pour la PS5. Mais ce ne serait pas une upgrade en termes de résolution de framerate, un peu comme peut l'être Horizon, mais le premier, si tu veux, sur PS5. Mmh. Mais vraiment avec un développement à part entière pour la PS5. Ça me paraît bizarre. Enfin, ouais, c'est. Faudrait que je jette un coup d'œil à cet article parce que je n'arrive pas trop à comprendre. Bah, y a tous les effets sur la DualSense avec les retours haptiques, les trucs sensitifs, le SSD qui doit pas gérer les choses de la même manière certainement. Ouais, ouais peut-être bien. Ouais. Il doit y avoir des petites différences quand même. Et puis le son audio avec la puce audio qui est dans la PS5 que la PS4 a pas. Si, y a du travail quand même. Mmh. Ouais. Personnellement, je suis plutôt content que la version PS5 soit différente. Moi aussi. Ouais. Parce que personnellement, quand on a assisté, je sais plus si c'était un showcase ou un truc comme ça, mais ça m'a pas impressionné. Bon, il y a juste le petit passage où on est sous l'eau avec toute la vie marine, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'était pas folichon. Hein. Enfin, graphiquement, ça m'a pas mis une tarte. Le Forbidden West. Ouais. Ah, franchement. Oh, si tu t'attardes aux détails, dans le sable et tout, c'est quand même classe, la végétation. Ouais, la bataille avec le mammouth. J'ai pas dit qu'il était moche, mais disons que ça m'a pas mis la même claque que le premier, tout simplement. Bah alors, le premier était déjà très beau, faut se le dire aussi. Mais il est magnifique, hein. Il est étonnamment beau. Voilà, il était fourni. Après, c'est dur de faire plus de végétation que de la végétation, tu vois. Enfin, il y en avait déjà beaucoup. Non, mais tu parles des détails, tu vois. Dans le sable, par exemple, dans le 2, t'avais déjà en fait des effets comme ça dans la neige dans le premier. Ouais, alors c'était l'extension en plus. C'était pas vraiment le premier. Si. Attends. C'est dans l'extension. Oui, t'as raison. Justement, dans le premier, c'est très très light la partie neigeuse. Et parce que là, dans l'extension, t'avais un effet dans la neige, t'avais l'impression qu'elle avait du poids, tu sentais presque les cristaux qui se détachaient quand tu. Quand tu marchais dessus, tu sentais les cristaux qui se détachaient, c'était vraiment bluffant quoi. Donc c'est pour ça quand tu as une qualité pareille, en plus maintenant il est sorti quand? Il est sorti en 2016, non? Un truc comme ça? Ouais, 2016, oui, il me semble. Ouais. Il y a un jeu qui a 5 ans, qui envoie du pâté encore. C'est vrai que. Moi, comme Elroco, quand j'ai vu le State of Play avec le gameplay du 2, je me suis dit, ouais, c'est très très beau. Mais est-ce qu'on s'attend à ça sur une PS5? Je sais pas, faut le voir tourner après en vrai sur un écran 4K dans les bonnes conditions, mais ouais, j'ai pas été plus bluffé que ça, quoi. Après, c'est peut-être les environnements qui étaient mal choisis, entre guillemets, mais j'ai plus aimé, comme tu dis, les passages dans la neige, bon, même si c'est l'extension. Ou quand bien même la forêt, enfin tous ces lieux qu'on avait dans le premier, je trouve que c'était pas bien choisi les endroits, puis même les personnages qui parlaient, enfin, je sais pas. C'est, j'avais plus l'impression d'avoir en face de moi un DLC en fait que un nouvel épisode en tant que tel. Et bah, c'est mon impression. Après, peut-être que voilà, je suis exigeant, que je veux toujours être bluffé encore plus, mais bon, ça c'est normal. Je suis, j'ai connu une évolution du jeu comme ça, mais j'aime pas quand ça stagne. Quand on me propose un 2, c'est on ajoute des nouvelles choses, on ajoute peut-être du nouveau gameplay. Bon, là on va sous l'eau, c'est plutôt pas mal, mais je sais pas, ça m'a pas fait l'effet waouh comme tu l'aurais sur un Last of Us 2, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas. Bon, après, il y aura une version à part PS5, peut-être que celle-là elle va tout déboîter. Donc il y a encore, on va dire, un petit espoir. Wait and see. Exact. On verra. Ensuite, Lolo, qu'est-ce que tu as d'autre? Alors après, il y avait une autre. Donc Fire Sprite, donc on sait toujours pas. Hein, les pronostics sont toujours en cours. Petite parenthèse, toujours sur Fire Sprite et donc sur un éventuel portage d'Horizon. Ils ont quand même fait des offres d'emploi en ce moment. Fire Sprite, depuis qu'ils ont été rachetés par Sony, ils n'arrêtent pas de faire de proposer des boulots. Là, ils sont en train quand même d'embaucher 40 personnes. Il y a 40 offres d'emploi sur le site de Fire Sprite aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que on avait déjà parlé de ce fameux RPG AAA qui avait été super bien vendu ces 10 dernières années, qui faisait partie des meilleures ventes même ces 10 dernières années, donc ça collerait avec Horizon. Par contre, dans l'offre d'emploi, il y a toujours ce petit détail qui n'a pas été relevé avec toutes ces rumeurs, c'est que le jeu en question serait développé sous Unreal. Or, Horizon n'est pas sous Unreal. Donc, alors soit c'est une troisième version, dans ce cas-là, ça serait que ça se tiendrait. Mmh. Donc, ce serait ni Horizon Zero Dawn, ni le nouveau, mais qui serait développé sous Unreal. Donc, il repartirait d'une page blanche avec des éléments qu'ils auraient récupérés ailleurs pour les importer dedans. Mais voilà. Donc, il y a toujours cette histoire de moteur où Fire Sprite ont bien précisé que c'était un jeu qui serait sur Unreal Engine. Ok. Ensuite, on avait une autre rumeur avec un autre coco qui lui me fait bien marrer par contre. Donc là, c'était sur Reddit qui a repris la parole pour annoncer qu'il y aurait certainement pas un showcase, mais un PlayStation Experience au mois de décembre. Donc en gros, dans son résumé sur Reddit, les trois trucs qu'il fallait retenir, c'était la première, qu'il serait annoncé au mois de décembre le PSVR 2. Ensuite, il a parlé de jeux, donc il fallait s'attendre à Wipeout. Donc on revient à la première rumeur du mois d'août de notre anglais de tout à l'heure. Lui aussi, on parle aussi de Wipeout, donc ça fait déjà deux. Et puis un Astro Bot 2 qui va, de toute façon, qui va impressionner personne, parce que on sait que le petit robot Astro maintenant est devenu le présentateur, le porte-étendard du VR. L'ambassadeur dès qu'il y a un objet qui de sort. De la PlayStation 5 en plat. Ah. Voilà, ouais. Il y a Astro le Crash Bandicoot moderne. Voilà, il est toujours là pour présenter un nouveau hardware. Donc même si le jour où il y aura une Vita, il y aura Astro dessus, c'est sûr. Donc voilà. Donc le troisième truc qui était intéressant dans ce qu'il disait, ce garçon, c'était que apparemment il y aurait un autre jeu, un très gros jeu qui serait attendu depuis longtemps et qui aurait fait énormément de rumeurs et qui aurait beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Ouais. Donc, jusque là, ça peut être n'importe quoi, sauf que le monsieur sur Reddit, on lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, je ne peux rien vous dire parce que mes sources m'ont pas autorisé à parler de ce jeu. Il a lâché un petit texte quand même qui était bien sympathique et qui fait, à mon avis, référence à Silent Hill. Alors le petit texte, en fait, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit putain, il a picolé le mec, il sait plus ce qu'il pète. Et puis après coup, en le relisant, je dis putain, mais de quoi il parle? Et puis après, oui. Donc il met salut à tous. Il y a quelques semaines, j'ai posté que Sony construisait un studio AAA au Japon. Cette source m'avait révélé l'acquisition de Housemark et m'avait également donné des infos sur ce studio japonais. Maintenant, cette source m'a de nouveau contacté en indiquant que le nouveau studio japonais que j'ai mentionné sera annoncé lors d'un autre événement à la fin de cette année avec la révélation du jeu. Sony organisera un événement en décembre appelé PlayStation Experience où ils auront des révélations de studio first party et où ils dévoileront officiellement la conception complète du PSVR 2 avec un logiciel de première partie. La source ne m'a pas permis de divulguer tous les jeux dans le spectacle, mais il y a un jeu en particulier qui fait l'objet d'une rumeur depuis longtemps et qui sera enfin révélé selon cette source concernant les PSVR 2, on m'a dit Astrobot et Wipeout. Et donc après il est parti dans un délire suite à ça, il a fait oh, détendez-vous les gars, je peux pas vous dire le nom parce que sinon les ninjas vont me couper la tête. Et après il continue en disant mais malgré tout votre désespoir, je vais vous raconter une histoire très intéressante. Un homme a perdu son emploi un jour et a vécu un immense chagrin. Il a bu et bu jusqu'à ce qu'il puisse plus le supporter, et alors qu'il rentrait chez lui à minuit, il a écouté la radio dans sa voiture marmonnant des nombres aléatoires. Il marchait, il ne pouvait rien faire d'autre que marcher, et il se voyait marcher avec un cauchemar sans fin. Mais ce n'était pas vraiment lui. Il vit une dernière fois ce regard coupable de sa femme. C'était maintenant le moment. La société était pourrie jusqu'à son noyau, et il pouvait entendre sa propre âme crier sans fin dans la nuit. Son toucher était froid comme du marbre, à tel point qu'il tremblait. Enfin, voilà, et patati patata. Donc, en gros, il a fait un petit chapitre là-dessus parce qu'il n'a pas voulu citer le nom. Alors, moi, j'en reviens à cette fameuse radio qui balance des chiffres. Allez, il faut pas oublier qu'il y avait exactement une radio, alors c'était pas une radio dans une voiture, mais c'était une radio qui envoyait des chiffres aléatoires qui étaient dans la Silent Hill PT, donc la démo du jeu qui n'est jamais sorti. Silent Hill tout pété, quoi. Voilà, pity. Tout pété. Pity, Laurent, pity. Pity, ouais. Oh, pity, ouais, c'est pareil. Ouais, ça faisait en français, c'est la plus la classe. Ouais, pété. D'ailleurs, c'était ouais, pas pété, c'est bien. C'était Silent Hill ou Silent Hills, Silent Hills. Non, Silent Hills. Les collines silencieuses. Donc ensuite, il y a toujours ce alors il y a eu plusieurs nouveautés aussi. Ce fameux studio qui développe le fameux jeu qui n'a rien à voir avec Silent Hill, qui s'appelle Abandoned. Non, Abandoned. Donc alors lui aussi il a été drôle parce que sur Twitter il a balancé une phrase en disant à votre avis qu'est-ce que ça veut dire Blue dans le nom de la société Blue Box Game Studio. Là il y a les gens ils sont allés comme des malades en posant ouais, alors il y en a ils sont allés à prendre chaque lettre B L U E en essayant d'inventer plein de mots et tout, il y en a qui sont partis, c'est un anagramme. En fait, voilà, ah ouais, ouais, non, et puis il y a des types qui ont cherché peut-être, voilà, il y a des types ils ont cherché des trucs de code de fou, bah, faut se rappeler le fameux tatou à l'envers. Voilà. Faut se rappeler aussi que Kojima, il avait fait le coup justement pour, bah, je crois que c'était pour Death Stranding, où il avait fait justement un anagramme avec son nom pour inventer un personnage de développeur qui parlait Joachim, je sais plus quoi. C'est exactement ça. On en avait parlé dans l'ancienne émission parce que je crois qu'en fait cet article qu'on a fait sur Silent Hill, c'est le troisième article de la série, et dans le deuxième article, on parlait justement de cet anagramme. Puis il n'y avait pas que ça, hein, parce qu'il avait créé une fausse société, donc ouais, il faut quand même déposer au registre du commerce une société pour faire croire que c'était un vrai studio. Enfin, c'est un truc de. Donc il en est capable, c'est pour ça que c'est pas si dingue que ça. Et donc le studio, ce qui est rigolo, c'est que le studio Blue Box Game Studio a posté un tweet juste après en disant juste à votre. Mais Blue n'est pas forcément une couleur, et il a écrit B.L.U.E. Et là, en fait, pendant que tout le monde était en train de chercher que voulait dire B, que voulait dire L, U et E, et ben, au final, en fait, il a écrit Blue avec des points. Donc, pourquoi pas Blue Point ? O, D, I, L. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Et donc, Blue Point, on sait que Blue Point, c'est quasiment certain. Alors ça, c'est même pas une rumeur, a été racheté par Sony. Ça n'a pas été annoncé, mais on le sait, parce que le 29 juin, c'est la page officielle du PlayStation Japon qui voulait annoncer l'acquisition de Housemarque, qui s'est planté de photo et qui a posté la photo « Welcome to the family, Blue Point ». Donc, au bout de 3 minutes, ils ont viré l'image. Bien sûr, Internet, et les mecs qui font des captures d'écran. Oui. Donc, bon, on sait déjà que Blue Point est déjà un studio qui a été acquis par PlayStation Studio. Et puis en plus, sur la photo, on voyait bien dans Demon's Souls. Et puis, alors eux sont quand même des spécialistes du remake. Du remake en tout genre. En général, c'est des beaux remakes, mais ça reste du remake. Donc après, la question, c'était est-ce que Blue Point serait peut-être ferait partie du lot pour développer ce Silent Hill. Je vous rappelle quand même que des Silent Hill, normalement, il y en avait deux de prévus. Il y en avait un premier qui était développé par Japan Studio. Seulement, bon, maintenant Japan Studio a été dissolu. Mais il y a d'autres, mais il y a d'autres rumeurs qui parlent que cette année Sony va nous annoncer l'ouverture d'un nouveau studio. Alors est-ce que si ça se trouve, il va y avoir juste un Japan Studio qui va se scinder peut-être en plusieurs studios et ça va être un studio créé de toutes pièces au Japon. Et dans ce cas-là, il y a toujours l'équipe donc de l'ancien Silent Hill. Dedans, il y avait Kazunobi Soto, le producteur. Il y avait Kishiro Toyama, le créateur de Silent Hill, et Jinwa Okura, designer de Gravity Rush et de Forbidden Siren, qui ont formé leur propre studio, qui est Bokeh Game Studio. C'est possible que ce studio-là soit toujours sous l'égide de Sony. Ouais, exactement, et qu'en fait, on ne sait pas encore tout, mais Japan Studio va peut-être faire des petits en fait. Donc voilà, c'est une autre piste. Ça fait rêver en tout cas ce possible retour en grâce des studios japonais chez Sony. C'est quelque chose qui manque un petit peu en fin de génération PS4, et ça serait bien justement que ça revienne. Sur la PS5, quoi. Ça pourrait apporter des belles choses, je pense. Ouais, parce que le Survival Horror, il a été un petit peu mis en retrait. Carrément, ouais. Et puis, je sais pas si tu vois, en plus, en ce moment, hein, tous les survival... VR, vous êtes sûr, les gars? Non, pas forcément VR. Parle des expériences VR, c'est l'inverse. Pas... Ouais, parce que... Mais peut-être même trop, presque, parce qu'en fait, ça fait peur à beaucoup de gens aussi de rentrer... dans un jeu d'horreur en réalité virtuelle, ils sentent pas avoir les coronesses pour le faire. Et oui. T'es bien placé pour le savoir d'ailleurs. Faut essayer. Moi je préfère les jeux de chill, No Man's Sky. Ouais, c'est ça. mais ce que je voulais dire, Elroco, en fait, c'est que je sais pas si t'as vu, mais tous les nouveaux survival, on va dire un petit peu à l'ancienne, qui sortent en ce moment, Song of Horror, là t'as quoi, t'as Tormented Souls aussi qui vient de sortir il y a pas longtemps. C'est des petits développeurs indés. Parfois qui viennent du Japon qui sortent ce genre de trucs là, ou pas mal aussi aux États-Unis. C'est plus des gros. Qui avaient vraiment une expérience Konami, de toute façon maintenant Konami ils font plus que des machines à sous. T'avais qui d'autre, Forbidden Siren, la Team Siren à Japan Studio, donc ils se sont arrêtés à la PS3. Franchement, c'était la tristitude sur PS4. Hein. Ouais, bah oui, carrément. Des jeux comme Wheezing, je sais plus quoi, c'est entre les deux. On est entre l'horreur et puis le jeu de shoot. Mais vraiment des trucs psychologiques torturés, mais comme Silent Hill, zéro quoi. Bah, je pense que la saga Resident Evil aussi a fait beaucoup de mal au survival. Parce que justement, en voulant être trop action. Ah, oui. À partir du 4, c'est ce que les gens demandaient à une période. Hein. Enfin, ça a cartonné. La gêne PS3 X360, c'était ça. Hein. Parce qu'il faut rappeler que le survival, même sur PS2, l'âge d'or du survival horror, ce type de jeu-là, ça ne se vendait pas. Hein. Les Project Zero, et trucs comme ça, il y a une fanbase de hardcore qui adore ça, dont je fais partie, mais ça se vendait pas. Enfin, c'était à part. Project Zero, c'était à part, pas assez... Il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient, c'était surtout des Resident Evil. Tu avais Resident Evil et Silent Hill. Ouais. Ce qui était qui gravitait autour, Forbidden Siren, Project Zero, moi, c'était des connaisseurs. Je me rappelle, sur PS1 aussi, tu avais des variantes. Tu avais Dino Crisis, qui avait exactement la même ambiance que Resident Evil et qui était génial parce que c'était des dinosaures. Mais plus action. Non, c'était le même gameplay sur les plans 2D, ouais. même système de déplacement, même jumpscare, c'était exactement pareil. Sauf qu'au lieu d'être du zombard, c'était des dinos. Des vélociraptors, des dinos, enfin des T-Rex, des trucs comme ça. Et le dernier d'ailleurs, je crois, a vu le jour sur Xbox 360. Et c'est une putain de purge. D'ailleurs. Le comeback too late. Voilà, c'était un peu la tristesse. Je l'ai raté celui-là. Ah, tu l'as raté? Ouais, non, mais t'as rien raté en fait. Tu regarderas des images Dino Crisis sur Xbox. Tu as un espèce de T-Rex dans. En fait, ça se passe sur une station spatiale. Ils sont partis super loin, quoi. Vraiment. la troposphère, quoi. Ils s'en vont. Ah, ouais, okay. Non. Après, je pense qu'il y a peut-être à faire, mais bon, faut vraiment être fan, quoi. Ok, bon. Bah, en tout cas, on espère pour Silent Hill. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vais pouvoir mettre plein de bandes-sons pendant le montage. De Silent Hill, parce que malheureusement, même s'il y a un nouveau Silent Hill, il n'y aura pas Akira Yamaoka et ça. Deux. deux nouveaux Silent Hill. S'il y a même deux nouveaux Silent Hill pour le prix, il n'y aura pas le compositeur. Disons que en fait, tout ce qui est rumeur autour de Silent Hill, depuis le début, hein, donc depuis au moins 3-4 ans que ça a commencé, ça avait démarré avec un site d'horreur, Relay to Horror, On Horror, qui avait balancé ça il y a pas mal de temps. Il y a toujours eu deux projets, vraiment un projet Kojima, plutôt axé sur le narratif et éventuellement PS5, un truc qui se rapprocherait à mon avis d'Abandoned. Et l'autre projet, je le verrais plus comme un remake des premiers Silent Hill, voire Silent Hill 2, qui serait un remake pour PS5 et qui dans ce cas-là pourrait faire intervenir des studios comme Bluepoint. Troisième chose qui est importante là-dessus, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus qu'au mois de juin, ce mois de juin-là, il y a Bluebird Team, qui est développeur de Layer of Fear et Blair Witch, qui a conclu un nouveau partenariat avec le développeur et éditeur Konami. Et il semble évident qu'il va s'occuper de la version VR de Silent Hill. Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a toujours cette histoire qui tient pas du tout la route. Alors, ils ont le Blue Box Game Studio. Si vous voulez vous renseigner sur ce projet-là, j'ai mis une vidéo dans le deuxième article sur Silent Hill sur le site, qui est bien parce que en 15 minutes, 20 minutes, ils ont répertorié tout ce qui ne tenait pas la route avec cette histoire de Silent Hill. Et la vidéo, elle est super sympa à regarder. Donc, elle est sur le site. Je l'ai remis aussi dans le dernier article, hein, cette vidéo-là. Il y a les derniers trucs qui collent pas. Blue Box Game Studio. Alors déjà, moi, il y a un truc qui me tue là-dedans, c'est qu'en fait, le studio, il est connu de personne. C'est le machin, il a jamais fait de jeu, on n'a jamais entendu. On lui a donné 40 euros sur son Kickstarter quand même. Donc c'est le type qui est pas connu. Mais par contre, il fréquente tous les gros. Tous les boss de Sony, ils les fréquentent tous, hein. Ils discutent avec eux sur Twitter. Va faire ça avec un petit jeu en tant que petit développeur et tu dis, ah, Shuei Yoshida, tu veux manger avec moi? Non, à mon avis, il ne voudra pas. Donc déjà, il y a ça qui est pas clair. Et puis, il y a un autre truc, c'est que le 11 juin dernier, Blue Box Game Studio a annoncé que leur jeu PS5 Abandoned disposera de sa propre application PS5. En gros, c'est une application que tu vas installer et dans cette application, tu pourras trouver des démos, tu pourras trouver des skins, des petits machins gratos. Non, mais trucs. Elle est déjà sortie, Lolo, cette appli. Voilà. Oui, au mois de juin, le 11 juin. Oui, mais alors, ce qui est choquant, c'est venant d'un petit studio comme Blue Box Game Studio, c'est que tu regardes que même les studios de Sony, les first party, n'ont jamais fait ça. Les seuls qui ont fait ça, c'était Silent Hill pour Pity. Donc c'est ce que le jeu est devenu. Ouais, voilà. Mais je veux dire, cette méthode de travail, c'est la même chose, quoi. Et puis Blue Box Game Studio, pourquoi il n'y a pas de S à Game et pourquoi il y a un S à Studio alors que c'est un truc qui doit avoir 3 ou 4 développeurs, quoi. Ils ont personne dedans. Et alors cet après-midi, alors je me suis encore amusé à un autre petit jeu. Je suis allé voir le Whois. Donc Whois, c'est des sites internet qui te renseignent sur les propriétaires et sur les personnes à contacter quand on dépose un nom de domaine. Et quand tu vas sur le Whois de blueboxgamestudio.com, en fait, toutes les informations sont supprimées pour confidentialité. Tu as accès à rien. Alors que normalement, n'importe quel site dans le monde, quand tu vas, tu as l'auteur, tu as un contact technique, tu as le registraire du nom de domaine, et là, il n'y a rien du tout. Entreprise donc, écran. Mais c'est bidon, c'est complètement c'est sûr. Coup marketing, ouais. Il y a du Kojima dessous, c'est sûr. Tu crois, toi, Kojima qui reviendrait sur une licence historiquement Konami? Oui, moi je crois que wow. Alors, je crois que Kojima n'a peut-être rien à voir là-dedans. En tout cas, c'est des méthodes à la Kojima, ça c'est sûr. Ouais. Comme c'est fait, c'est. Par contre, je suis sûr que Blue Box Game Studio, c'est du bidon. C'est un faux studio. Et pourtant, il l'a rabâché juste de juin, juillet, août. Il n'a pas arrêté de rabâcher que c'était pas vrai, que c'était un vrai studio. Il y a trop de choses qui tiennent pas la route en fait. C'est pas possible. Un studio, quand tu te fais chier à monter ton studio, tu fais tout pour être connu, tu as un historique. Ça va jusqu'aux pages LinkedIn où les personnes qui font partie de Blue Box Game Studio, leur photo vient de banque d'images. Ah ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Donc, j'arrive pas encore à dénouer ce qui. On va le savoir, ça va se dénouer, on va savoir ce que c'est. Est-ce que Bluepoint sera là-dedans ou est-ce que Bluepoint va plutôt s'occuper de faire un remake de Metal Gear Solid ? Et on est encore Kojima derrière. Ça, c'est les deux pistes possibles. Est-ce que c'est Kojima qui est derrière l'un des trucs ? Le nouveau studio japonais sera peut-être en train de préparer le second. Est-ce que c'est les anciens de Silent Hill qui ont quitté Japan Studio, qui ont formé le nouveau studio et qui sont toujours dans les studios de Sony pour augmenter le nombre de studios? Et c'est pas con en même temps, parce que vu que Microsoft ont 25 studios, finalement en splittant Japan Studio, ils peuvent en créer 3 de plus. Ouais, mais ça sert à quoi ça? Ça sert à part faire des chiffres et puis faire de la. Eh ben, peut-être que au niveau de la gestion, je me rappelle Nicolas Doucet, quand on lui avait demandé, il fonctionnait par étage. Il y avait l'étage Forbidden Siren qui était dans le même immeuble, qui était à l'étage supérieur. Mmh. En fait, ils étaient tous dans le et puis ils étaient toujours en train de se côtoyer entre eux, peut-être s'influencer, peut-être qu'ils vont maintenant avoir des studios séparés avec des bâtiments séparés pour justement être axés sur leurs produits et qu'il y ait moins de fuites. Peut-être aussi, je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais bon. En tout cas, autant Horizon, c'est bien, on en parle, on verra bien. Autant Silent Hill, à mon avis, ma main a coupé que qu'il va y en avoir un, au moins un qui va arriver. Ouais. Il y a Anguille, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a trop de choses bizarres. Et le Rocco, tu voulais rajouter un truc ? Non, pas spécialement. Ah. Juste pour par rapport à appuyer. Mais j'avais du mal à couper Laurent. quand il parlait justement du speech du gars par rapport à la radio. Oui. L'heure, il a parlé de l'heure de minuit. Minuit. Ouais, l'heure du crime. Ouais, l'heure du crime. Mais cette heure, elle est très importante et, dans Pity. Donc, en fait, c'est. Enfin, oui, j'allais dire, tout mène vers. Tout concorde. Tout concorde vers cette. Voilà, vers Pity. Et si en pété, plus, s'il te plaît, c'est... Silent Hill pété. J'y arrive pas. C'est important. Et donc pété et en fait, si en plus c'est récupéré par Kojima, putain, il va avoir un melon encore. Il l'a déjà. Surdimensionné, oui, il l'a déjà, mais à raison. C'est un mégalo, franchement, mais respectable. Parce mais de génie, ouais. Fait, c'est un génie. Enfin, perso, je trouve que même par rapport à Death Stranding, on n'est pas tous d'accord, mais bon, je trouve que c'est un très bon jeu. Et non, c'est un très très bon développeur, voilà, mais qui est comme il est. Et voilà, c'est comme ça. Et s'il récupère en plus la licence que Konami lui a enlevée de la bouche, ce sera une bonne vengeance pour lui. J'aimerais vraiment, franchement y croire, mais c'est vrai que ça me paraît un petit peu trop parfait. Mais voilà, donc on verra. Par contre, j'ai une petite question. Les rumeurs de gens sur Twitter qui disent oui, alors je sais, je discute avec des gens bien qui travaillent dans les studios, qui m'ont dit ces informations-là, mais je peux pas la répéter, machin. Ça commence pas un petit peu à vous user en ce moment, les rumeurs de rumeurs. Je sais tout, mais je peux rien dire, mais je vous le dis quand même. Enfin voilà. Si. En ce moment, c'est, en plus on a que ça à se mettre sous la dent. Twitter en règle générale déjà, mais ça use. Donc, mais c'est. C'est pour ça que j'ai pas écrit l'article sur Horizon, parce que quand je parle de Silent Hill, en fait, en un seul article, je regroupe 6 ou 7 sources différentes qui se recoupent entre elles. Oui. Et là, sur Horizon, on n'a rien, on n'a que deux personnes qui ont parlé d'un. Il y aura peut-être un Horizon, et le premier avait dit Horizon, mais j'ai dit Horizon. Il parlait peut-être de Facebook Horizon, j'en sais rien. Donc, pour l'instant, pour moi, on n'a pas assez d'éléments pour vraiment marquer le coup sur. Mais c'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, la communication, elle est pitoyable. Il y a la pénurie de composants. Du coup, ils ne vont pas parler de leur matériel s'ils ne peuvent pas vendre des consoles. Mais n'empêche que ce silence devient super pesant et qu'en ce moment, tout ce qu'on a à se mettre sous les dents, c'est quasiment que de la rumeur. Donc, est-ce qu'il faut qu'on fasse un site de rumeurs et dans ce cas-là, les gens ils vont en avoir ras-le-bol, ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien dire et puis attendre d'avoir quelque chose de plus consistant? Je sais pas. Non, faut en parler. Non, mais c'est juste. Faut en parler, mais c'est vrai que ce système quoi qui me, enfin qui. C'est pesant. Je sais qu'on est à la fin de cette période qui commence à être pénible. De toute façon, le PSVR 2 va sortir, donc va être annoncé du moins. À partir de là, je pense que les langues vont se délier. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'on parle de ça parce que la dernière citation qui date d'aujourd'hui de Kazunori Yomoshi, le patron de Polyphonie Digitale, le papa de Gran Turismo 7, a été questionné cet après-midi sur le site Eurogamer. Une dernière question concernant certains des détails les plus fins. Allez-vous implémenter la VR dans tous les domaines cette fois-ci, par opposition au cas limité disponible dans Gran Turismo Sport? Et donc il parlait du PSVR et il a répondu: donc concernant le PSVR, nous ne sommes pas encore à un stade où nous pouvons en parler. Nous ne sommes pas encore. Donc en gros, ça veut dire oui. Ça veut dire, pour moi, il aurait pas dit le mot encore. Ouais. Si c'était pas, donc on sait que après ça reste une traduction. Hein. Ça reste une traduction. Ouais. Hein, donc, oui, mais en anglais c'est pareil. Hein. Ouais, d'accord. Okay. Ouais. Et donc Gran Turismo 7, comme on disait, il sera certainement sur la boîte du PSVR 2, mais pour l'instant ils peuvent pas en parler. Et il y a toujours ce bouchon qu'il faut. Tant que ce bouchon n'aura pas sauté, pour nous en tout cas, aucun studio ne va parler parce qu'ils sont tous sous DNA, ils peuvent pas parler de toute façon. Et tant qu'ils n'auront pas le feu vert de Sony comme quoi, allez-y, vous pouvez y aller maintenant. Donc tant que ce PSVR 2 ne sera pas sorti, on va se bouffer de la rumeur, mais tout le matin, midi et soir. Putain, je l'ai déjà dit, hein, mais si jamais ils nous font la même que Gran Turismo Sport, ou s'il n'y a rien, c'est la lose. Mm. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. J'y crois pas, mais si jamais c'était le cas, franchement, c'est gros message négatif envoyé. Quoi. Je crois que ça fait peur parce que le PSVR était nouveau en 2016. La petite expérience, c'était pas mal parce que tu découvrais le truc, tu avais l'effet waouh de la découverte de la VR, ça pouvait fonctionner. Là, aujourd'hui, il y a un petit 5% de joueurs qui connaissent le PSVR et qui, eux, attendent du lourd. Par contre, c'est vrai qu'il y a tous les autres qui connaissent pas la VR et qui vont peut-être la découvrir. Donc c'est pour ça qu'on risque d'avoir encore des expériences pour ces personnes-là. Par contre, nous qui avons quand même qu'on connaît la VR depuis 5 ans maintenant ou 6 ans, c'est sûr que s'ils nous balancent un mode à la con dans Gran Turismo, un horizon de 2 heures complètement pourri ou des machins comme ça, ça va pas nous faire rire quoi. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Beaucoup d'attentes. Déjà, il y a une chose auquel les gens se sont faites, c'est le mix aussi entre partie 2D et partie VR, enfin 2D plate et partie VR. Genre tout ce qui est interaction, menu, tout ça. On va reparler d'Hitman et pas que d'ailleurs, même Squadron, où tu as tout ce qui est cinématique en version plate et après tout le reste du jeu est jouable en VR. Mais si tu veux, ça aujourd'hui c'est rentré aussi dans la tête des gens que c'est plus un problème en fait. Donc je pense que ça peut pas mal aider pour tout ce qui est campagne, à voyager entre les garages et tout ça. Donc je pense que ça va se faire. Enfin moi je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Lolo. Mais il y a un autre truc, parce que je voudrais pas qu'on croie qu'on est anti petites expériences. Il peut y avoir par exemple des petites expériences de 2 heures qui sont géniales, qui coûtent pas cher. On s'en rappelle, hein, il y a Ubisoft qui avait fait Transference, qui était très bien. On peut très bien avoir des petites expériences à 10 balles et puis se dire tiens, c'est un bon film, je vais me faire ça ce soir, j'en ai pour 2-3 heures en verre. Je fais juste une petite distinction, Laurent, excuse-moi. Mmh. Je ne mets pas Transference dans la série des expériences. Ce que je mets dans les expériences, c'est pas très long. C'est par exemple Last Guardian. Ah bah oui, clairement l'expérience. Mais qui était gratuit. Tekken 7, Gran Turismo Sport. Ah oui, Tekken 7, en fait, c'est tous ces trucs qui sont tirés en fait, de d'autres licences. Et juste pour avoir le macaron compatible VR, ouais, ils te rajoutent une petite merde et ça, on en a déjà discuté. Alors, Gran Turismo Sport, je suis pas tout à fait d'accord avec toi non plus. C'est pas le jeu complet, mais on peut pas le qualifier d'expérience parce que t'as quand même pas mal de circuits et de voitures disponibles. C'est plus un jeu de course allégé avec un seul mode de jeu où tu fais du 1 contre 1. Tu n'as pas le contenu de ta galette en fait dessus, c'est ça, c'est en ça que c'est S-Combat 7, il y avait aussi comment il s'appelait avec son pinceau là, c'était une catastrophe là, le mode VR Concrete Genie. Il y en a eu plein hein, c'est vrai, des trucs on parlait de Tomb Raider tout à l'heure où le mec le pire c'est que sur la boîte t'as le macaron VR, puis quand tu sais pas, tu suis pas trop l'info, tu achètes la boîte et puis alors là quand tu rentres à la maison, je te dis pas là que tu t'es dégoûté quoi. D'ailleurs Ace Combat 7, il y en avait un paquet qui avait acheté le jeu que pour la VR, et quand ils ont vu qu'au bout d'une heure ils avaient bouclé les trois missions, ils faisaient la gueule quoi. Voilà. Moi, je veux pas qu'on retombe justement dans ces travers-là à la Ace Combat 7 justement. Moi non plus. Vraiment pas, quoi. Vraiment pas. Et c'est pas un désamour, comme tu disais, Laurent, pour les petits jeux. Et je préfère quand même qu'on fasse une distinction entre les expériences, qui sont juste des trucs avec des gameplays très très simplifiés, voire un contenu classique, et des vrais jeux qui peuvent durer 2 heures, quoi. Parce qu'il y a des vrais jeux qui sont vraiment super, qui durent que 2 heures. Mais ça, c'est pas Fract. La même chose pour moi. Fract, par exemple, voilà. Dans Transférence, c'était un vrai jeu et t'avais un vrai scénario. C'est ça, pour moi, c'est pas une expérience. C'était au-delà de l'expérience. L'expérience, je pense qu'on peut qualifier un jeu d'expérience à partir du moment où ça expérimente un gameplay ou des interactions, à mon avis. Les lancers, les trucs comme ça, genre la journée du Viking, là, je pense que ça, c'est une expérience, quoi. C'est plein de petits mini-jeux. Non, mais c'est une merde, ça. C'est une merde, ça, c'est autre chose. C'est pas une expérience. Ça passe dans un autre niveau, ça. Ça, c'est une expérience de merde, à peu près. Voilà. Non, mais voilà, je pense que ça, c'est des petits jeux comme ça qui expérimentent du gameplay et qui proposent pas de scénario. Celui-là, au bout de 20 minutes dans le test, j'en avais déjà marre. Je disais, mais c'est pas possible. Ce machin, c'est un supplice, quoi. Je croise les doigts, pour l'instant j'ai pas eu un test sur un jeu de merde, donc je croise les doigts, je sens que ça va pas tarder à arriver. Laurent, c'est une demande, hein, maquiller, mais c'est une demande, je pense qu'il est gourmand de caca. Alors, il est prêt. Je sais pas si, en fait, ce qui est marrant, c'est que tous ces jeux de merde, en général, on n'a pas les codes, parce qu'ils savent qu'on va les fracasser, donc ils nous donnent pas de codes. Alors en général, quand on a, en ce moment, les derniers codes qu'on a, je trouve que c'est des jeux qui sont plutôt pas mal. D'ailleurs, on va faire une petite série de tests dans pas longtemps, on va essayer d'en enchaîner quelques-uns. Ils sont plutôt pas mal en globalité, ils sont pas vilains, quoi. Ça me fait toujours mourir de rire quand je demande des codes à 10 mails que j'envoie pour avoir un code, et quand je vois les types qui répondent bien, puis après quand je demande des codes ils répondent plus. Et après tu vas en VR Game Critique, tu vois que le machin il se prend 3 sur 10 de moyenne sur 50 tests, tu dis d'accord, je comprends pourquoi il veut pas me le donner, quoi. C'est ça, mais c'est t'as raison de le rappeler, Laurent. Il y a des tests qui vont arriver là, c'est vrai que c'était assez calme. C'est la reprise un petit peu pour tout le monde, hein, pour nous aussi, donc voilà, on va se remettre bien dedans c'est plutôt que de faire des tonnes d'articles sur des rumeurs et des rumeurs, autant faire un article par semaine qui fait un petit résumé des rumeurs et puis passer plus de temps sur les tests. En ce moment, de toute façon, il n'y a que ça à faire, donc autant. C'est ça. Ce que vous espérez un petit peu dans les nouvelles expériences, nouveaux jeux, etc. sur le PSVR2, n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis sur le Discord ou alors sur le site pour qu'on sache un petit peu vous ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez en fait ne pas revoir et ne pas que Sony ne propose pas à nouveau comme chose qui ne reproduisent pas les mêmes erreurs qu'avec le PSVR. Exactement, sur le PSVR, des trucs que vous n'aimeriez pas revoir sur ce nouveau casque. C'est clair, des jeux de pêche Final Fantasy, non? Si tu prends. S'il y a Final Fantasy, c'est un jeu Final Fantasy. Et je suis complètement d'accord, j'ai passé quand même un bon moment sur ce jeu de pêche. Dans ce cas-là, il ne l'appelle pas Final Fantasy. Et pas que grâce à Cindy, mais. Parce que bientôt, on va avoir. Fait marrer, quoi. Bientôt, on va avoir Spider-Man Ping Pong. Pourquoi pas? Ou Resident Evil 8 fait la cuisine avec la famille Baker. Le tuto de ouf. Job Simulator Resident Evil la avec les Baker. Ça fait rêver. Donc voilà, ok, c'est tout pour les rumeurs et puis les pseudo-infos. C'est rumeur, ça veut pas non plus dire grosse connerie, parce que si ça se trouve, c'est des gens qui ont des contacts et ça peut être faux, ça peut être vrai, donc faut en parler, et puis faut pas trop s'y attarder, et puis voilà. Faut pas rester dans sa grotte, faut savoir que ça existe, faut être capable d'en parler, et surtout d'avoir un recul sur ce genre de rumeurs, d'informations. Donnez vos avis aussi, quand on publie des articles de rumeurs comme ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est du bullshit, c'est pas possible. Fake. C'est toujours sympa d'argumenter pour savoir... et puis des fois il y en a un qui va sortir un argument, t'as raison, c'est vrai que c'est pas possible, donc ça doit être une connerie, quoi. Voilà, voir des choses que nous on n'aurait pas forcément vues. Ok, d'accord, on va enchaîner sur Majo. Oui. Et tu voulais nous parler de Beat Saber. Ouais, alors bah, c'est une news très brève, hein. C'est juste que pour ceux qui jouent encore à Beat Saber et qui attendent désespérément le mode multijoueur, je ne sais plus comment s'appelle le studio. Beat Games, ah bah, c'est Beat Games, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, bah, ils ont tweeté aujourd'hui, je crois, ou hier, comme quoi bah, la version multijoueur donc de Beat Saber allait arriver. Voilà. Ah. Info très importante. Bah ouais, carrément. Bon, moi, c'est pas une rumeur. Ils se sont fait défoncer un petit peu parce que bon, on se demandait s'ils foutaient pas un peu de la gueule du monde. Mais voilà, bon, pour ceux qui l'attendent, en tout cas, c'est encore dans les tuyaux, ça va arriver. Voilà. Et toi qui es sur Twitter, tu peux pas leur demander aussi quand est-ce qu'ils seront en promo leur putain de jeu parce qu'il est jamais en promo. C'est quand même le jeu le plus vendu en VR de tous les temps. Pas. Donc, tu l'aimes incroyable. Pas, Beat Saber. Non plus, je l'aime pas. Tu sais, c'est un peu le GTA 5 de la VR. Ben, moi, il m'éclate ce jeu, franchement. Moi, je l'aime pas, mais je sais qu'il y a pas mal de monde justement sur le Discord, qui, même sur Facebook, qui nous demande quand est-ce qu'il est en promo ce jeu. C'est vrai que ce jeu. Il est vachement bien. Jamais. Et que ce soit sur PC ou pas, jamais en promo. Avec tous les packs qu'ils ont rajoutés à côté, qui sont en supplément de différents artistes, il y a de quoi se faire du pognon. Donc, je pense qu'il. Il est loin d'être en promo. Il capitalise avec à fond. Peut-être avec l'arrivée du PSVR 2 et encore. Peut-être ça va lui redonner un nouveau souffle de vie, je sais pas. Ok. Bon. Non, moi, de toute façon, Just Team Pistol Whip, de toute façon, Beat Saber, c'est de la merde. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Voilà. Et tu voulais aussi nous parler d'un autre jeu de rythme, parce que tu aimes bien bouger ton petit popotin au rythme de la musique. C'est Synth Rider. Ah bon? Ouais, non, c'est pas toi qui voulais en parler. Je crois que c'était le Rocco. Mais c'est pas grave. Rocco, toi aussi qui aimes bien. Je fais. Non, on va laisser la parole à El Rocco. On n'a pas trop entendu sa voix. C'est juste que Perp, pareil, c'est toute info Twitter qui a popé il y a moins d'une heure. Synth Rider, voilà, ils étaient en train de teaser un nouveau jeu qui allait bientôt être sorti. Ben, voilà, c'est un nouveau jeu VR, Synth Rider. Qui sera disponible en physique chez Perp Games. Mais il est déjà sorti sur PSVR celui-là, non? Alors, Perp Games, ils sont pas calés à la sortie du jeu. Oui, d'accord. Genre, Arashi, ils ont fait une version physique, je l'ai eu un mois après tout le monde. Ouais. Après la version digitale. Après la version digitale. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens comme moi, tu vois, qui voient des let's play, des gameplay, des tests dans tous les sens et qui veulent pas se spoiler. Bon, là, sur Synth Rider, il n'y a pas grand-chose à spoiler. Mais bon, en gros, voilà, il sort en physique, donc les collectionneurs pourront l'ajouter voilà, avec les autres. Ok. Faudrait que je fasse une. Il n'y a pas encore de date. Voilà, c'est juste l'annonce qui est faite comme ça. Ouais, c'est un jeu de danse, hein, pour rappel. C'est vrai que bah, du coup, je crois qu'on n'a pas fait le test dessus. On va le faire. Je vais m'y mettre dessus, je pense. Ah, c'est toi qui va faire ça. Bah, j'avais bien aimé Beat Saber, donc je pense que je vais faire. Alors, on a discuté un petit peu avant l'émission. Ça n'a rien à voir avec Beat Saber. Beat Saber, si toi, tu as l'impression d'être un Jedi et de couper des trucs, mais si un mec te regarde, il dit putain, il est en train de danser, le mec. Si quelqu'un te regarde de l'extérieur. Ouais. Et c'est pareil, avec tes deux petites bouboules, il faut que tu touches des trucs. Pour moi, c'est le même principe que Beat Saber. Par contre, le gros point fort de Synth Rider, c'est vraiment la musique, hein, qu'il y a dedans. La bande-son, elle est incroyable. Hein. Et puis, t'as tout, du rock, de l'électro, t'as plein de choses. Et c'est, ouais. Je ferai peut-être une petite vidéo sur Vrak de gameplay, vite fait, pour montrer à peu près ce que ça. Version physique, il précise qu'il y aura du Muse dessus. Ouais, ouais. Déjà, donc, j'aime bien. Si vous aimez bien. T'as du Offspring aussi, je crois. Ouais. J'ai sur PC, je crois qu'il y a Offspring dessus. Ça tue, quoi. De la musique de boomer. Avec son... de la vraie musique. Après, il y en a, ils sont pas prêts pour entendre ça, quoi. Surtout, ah non, mais moi j'aime bien, mais c'est. Moi, je suis réaliste. c'est tout. Pauvre con, qu'est-ce que tu te dis ça. Ouais, enfin bon, en tout cas, il y en a pour tous les goûts et c'est plutôt cool, quoi. Okay. Est-ce que Laurent, quand tu feras le test, tu pourras mettre une caméra pour qu'on voit comment tu te dandines? Je me mets en string. Non, ah bah garde, oui. garde ton charisme. Tu choisis. fais pas ça. D'accord, mais vu que c'est un truc dedans, je me mets en tutu. Moi, je veux voir ça. Bah, c'est bon, tu m'as vendu du rêve là. Je veux le voir. Faut que je trouve un tutu. Ah, et, d'ailleurs, et d'ailleurs, si vous voulez voir les petits doigts potelés de Laurent, je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo, encore une vidéo de psychopathe, parce que Laurent est un psychopathe, hein, maintenant vous le connaissez. La fabrication de Lucille, la fameuse batte de Negan de Walking Dead. Donc voilà, vous avez le tuto pour la fabriquer. Alors attention, en mode hardcore au niveau de la finition et de la précision de l'objet. C'est vraiment la vraie batte, avec du vrai barbelé, avec des vrais morceaux de cervelle dessus. Donc voilà, je vous conseille, c'est une petite vidéo qui dure quoi, 19 minutes, un truc comme ça, un quart d'heure ? Ouais, même pas, ouais, je crois qu'en un quart d'heure, un quart d'heure, voilà. 17, ouais, un truc 17 minutes. Ouais, mais tu parles de psychopathes, mais c'est vous les psychopathes, vous avez vu comment vous défoncez les zombies avec vos battes dans Saints and Sinners et dans, ouais, et dans nous, on Slot. Nous, ça reste dans du virtuel. Vous êtes je les soulève à 10 mètres du sol. C'est j'avoue. Tu jongles. C'est what the fuck. Pendant que je suis en train de poncer ma jolie batte tranquillement, vous êtes en train de vous exciter. C'est là qu'Onslaught, tu vois quand même qu'il a des méga bugs. Putain, sur une minute de vidéo, il est plein de bugs. Il est pété de bugs. Ouais, il est pété de bugs. Ah bah, et le zombie qui est coincé, alors on le voit pas sur la flic, vidéo. Si, le flic qui bouge plus, là. Ouais, le flic qui bouge plus, mais celui qui est coincé dans la roue arrière de la Jeep. Non, moi j'ai vu le flic que tu te retournes, puis en fait il est complètement coincé, en fait il bouge plus, il a les pieds, il touche plus par terre. Ah oui, à un moment donné, ouais, il a arrêté de bouger, et puis fracassage gratos. Ouais, mais et franchement, je crois qu'on n'a pas encore fait de test, mais Onslaught, je crachais dessus au début, mais entre guillemets, en étant obligé de le faire. Maintenant j'ai chié dessus. Non, attends. Mais franchement, il est pas si mauvais. En fait, il joue pas sur le même. Il est simple. Pas sur le même terrain. Il est simpliste. Enfin, il est un petit peu simpliste, un peu trop arcade. Mais c'est vrai que bon, après, tu le termines pas sans déplaisir. Mais non, mais cette zone qui diminue, vous avez réussi à la supporter, ça ? Bah, moi, ça m'a gavé. Hein. Ça fait partie des trucs. Avec faut ce mur passer outre. Faut passer outre. Mais il a de bons côtés sur d'autres choses. Mais trop facile. Justement, trop facile, malheureusement. Ouais, mais quand t'as goûté Saints and Sinners, tu peux pas te mettre là-dessus. Il est 100 fois plus moche. Ah, bah c'est ça qui est dur. C'est sûr que même graphiquement, franchement, tu vois la différence. Ah ouais, c'est. Mais tu vois, ça vient aussi un petit peu de l'exigence qu'on a en tant que joueur, on va dire, expérimenté, hein, sans se la péter. Mais c'est vrai qu'on commence... On va dire vieux, en tant que boomer, gamer boomer. Vous allez arrêter avec ça un petit peu, merde. non, mais je veux dire, enfin, on connaît la VR maintenant, on a des exigences un petit peu... Enfin, on ne veut pas uniquement du jeu à la con. Et c'est vrai que Onslaught, passer après Saints and Sinners, c'est... très compliqué. Et justement, à tester ce genre de jeu-là aussi, c'est compliqué. Par exemple, j'ai testé là sur PC dernièrement Zombieland VR, ouf. Qui est un jeu qui est un jeu dans le même panier que Onslaught. C'est-à-dire que c'est un jeu très arcade, très épuré graphiquement, avec un principe de gameplay, mais alors il n'y a pas plus simple, hein, pour recharger, c'est ultra simple. C'est un rail shooter, tu bouges pas, c'est pas une expérience incroyable. Mais il est fun. Mais c'est que du fun en fait. Même s'il est super simple, même si au bout de deux parties, il te saoule et puis tu passes à autre chose. Mais il remplit quand même son contrat de jeu, de petit jeu en fait. Ça me fait penser à un jeu de téléphone portable si tu veux. C'est un jeu qui va pas péter super loin au niveau de son intérêt. T'es pas si loin, il est pas sur poste. Ça peut être péjoratif quand même. Bah, c'est comme ça que je le vois. Et Onslaught, moi je l'ai vraiment pris comme ça. C'est un jeu qui a pas de grosses prétentions, mais qui fait le job. Ouais, c'est ça. Quand même. C'est ça. Bah, une fois que t'as des trucs comme la batte et le katana de Michonne, franchement, mais tu te régales. Surtout que t'as un petit système où tu upgrades l'arme, tu vois, plus de dégâts, des ralentis, des trucs comme ça. Et une fois que t'as débloqué tout ça, mais c'est une boucherie, quoi. C'est vraiment, mais tu te régales à te défoncer tout sur ton passage. Et le fun ne s'arrête que là, en termes d'immersion. Si tu cherchais un truc de survivaliste comme Saints and Sinners, il y a aucune profondeur. Il y a aucune profondeur de gameplay, c'est juste très très simple. C'est juste du bourrinage. Mais dans ce qu'il propose, il le fait pas trop mal, quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'était un petit. Ça me rappelait un peu les jeux d'arcade. C'est le milieu de tableau. Ouais. Bien, mais peut mieux faire. C'est ça. Vit trop sur ses acquis. C'est ça. Voilà. Un 6-7. Un 6-7 sur 10. J'ai pas pu, moi, celui-là. On avait les mêmes carnets. Il m'a fait saigner les yeux, celui-là. Ouais. Bon, voilà, c'était un petit post-mortem en passant sur, sur Onslaught. Et donc, oui, allez voir la, la vidéo pour pouvoir fabriquer vous-même votre Lucille et puis pouvoir parader comme ça dans les ruelles de votre ville en toute tranquillité et trouver des places dans le métro. Je pense que ça doit bien aider. Hein, quand même. Et à un moment dans la vidéo, Laurent, j'ai pas compris, tu chasses des vaches, c'est ça? Parce que c'est très bizarre. Non, parce que je parle pour récupérer du fil de fer barbelé, parce que le problème du barbelé, c'est que tu peux l'acheter que par rouleau de 100 mètres. Donc pour faire une batte, tu vas pas acheter 100 mètres. Ou alors tu te mets avec plein de copains qui veulent tous une batte, alors il faut faire une soirée psychopathe. Et j'expliquais que facilement, un tour de vélo à la campagne, on trouve toujours des morceaux de fil de fer barbelé autour des clôtures. Il y a toujours des surplus de 1 mètre ou de, qui sont. T'as la clôture qui est, puis tu as toujours des morceaux. Donc tu vas avec une pince coupante, tu te sers là. Mmh. Et l'avantage, c'est qu'ils seront en plus, ils ne seront pas neufs, ils ne seront pas étincelants, ils vont être bien un peu rouillés, un peu esquintés. Et j'expliquais surtout de prendre le surplus, de ne pas couper les clôtures. C'est pour ça qu'il y avait des vaches au milieu de la route. D'accord. Non, c'est bien. Il y a un agriculteur qui a perdu son troupeau. Ouais. Toi, tu vas vandaliser les champs des paysans à côté de chez toi. C'est bien. Bel exemple. Bah, à côté... Non, il t'a dit qu'il l'avait pris dans un camping en démantèlement. Ouais. Moi, j'ai eu la chance. Ouais. J'ai trouvé le truc qui allait bien. D'accord. Bon, en plein milieu. La qualité, c'est bluffant. Elle est ouf. Hein. Franchement, bluffant. Ah bah, jusqu'à donc, mettre la balle. Elle a été mise aux enchères donc sur eBay à partir de 14 000 euros. Voilà, c'est ça. Pas, allez-y. Voilà, c'est ça. Elle est unique. Elle est unique. Voilà, payable en 3 fois possible. Voilà. Au moins, oui. 499 euros, tu sais, plus d'une PS5. Ah ouais, bah je l'échange contre une PS5. Quoi. S'il y en a un qui me propose une PS5, j'offre la batte. Ah, allez, et bah, vendu, ça marche. Très bien, et ben donc ben, Beat Saber c'est bon, Synth Rider c'est bon, et ben on va passer maintenant au test des jeux, et c'est El Rocco et Majo conjointement main dans la main qui vont s'y coller avec Arashi. Qu'est-ce que c'est ça? Mamouette, El Rocco. T'as les mamouettes. Qu'est-ce que c'est Arashi? Arashi, tu commences? Ah non, vas-y, c'est toi qui fais le test. Moi, allez-y, commencez pas à faire des politesses. Hein. Voilà, moi je vais être là pour balancer des punchlines c'est... comme Hitman 3, tu vois, j'y ai c'est... pas joué, l'huile, mais c'est pareil. L'huile, bon, l'huile si jamais d'Arashi. Je parle trop, que vous vous endormez, tu m'arrêtes, hein, parce qu'en général, je m'arrête pas. Donc, on a l'habitude avec Laurent, t'inquiète. Ouais, bah là, j'ai plus rien à dire. Tech. Donc là, je vous écoute. J'ai plus rien à dire, ça fait 2 heures que... Ok, donc Arashi, Castle of Sins, c'est un jeu qui est sorti... sur le store le 10 août 2021, sur PlayStation 4, PSVR exclusivement, à 29,99€, et dans une version physique par Parpet Games, au tarif de £29,99, ce qui fait en gros 40€ quand on compte le prix du jeu, le transport et les taxes. Et les frais donc, de douane. Ils ont... Exactement. Ils sont toujours là. Ouais, les salauds. On les attend pas. Avec leur cutter. Tes ventres, tes collecteurs. Ouais. Ah. Donc, alors, petite précision, Perps Games ont sorti deux versions de leur Arashi. Une standard et une version signée, également standard, mais signée par tous les développeurs. Donc, qui n'est plus disponible à la vente. Tu m'étonnes. Malheureusement. Ouais, ils en font 60, une centaine même pas, et puis c'est les premières versions qui partent. Ouais. Donc voilà, le petit par rapport à la version du store, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur vous avez un code et vous avez un accès sur leur site pour avoir un artbook en digital et l'original soundtrack en digital aussi. Ouais. Alors ça c'est intéressant, tu vois, je vais rebondir dessus, et ça revient très à la mode ça. Alors bon, l'artbook, bon, c'est chiant parce que ce qui était bien dans l'artbook, c'était l'odeur du papier, la qualité du livre et tout ça. Et de pouvoir le lire aux chiottes. Et, oh, ouais, ouais, entre autres. Et, ça fait une sacrée pile après. Les vrais, et, ça. Mais par contre, les OST, moi je suis assez fan de ça. Alors surtout en plus dans Arashi où il n'y a pas de supplément, vraisemblablement. Donc, c'est le même prix, les deux. Donc je suis assez fan de ça. J'aime bien le concept de filer les OST. Parce que souvent elles sont cool en plus quand ils les donnent. Ouais, donc, carrément. Bon point là-dessus. Et tu l'as d'ailleurs, El Rocco? Tu l'as récupéré du coup? Ouais. Oui, bah, bien sûr. Bah, je suis en train d'ailleurs de me battre un petit peu avec Perp Games parce que t'as une Trax qui ne fonctionne pas. Et voilà, en gros, j'essaye de l'avoir Il m'a sorti une disquette comme quoi c'était une track qui n'était pas censée se retrouver dans l'OST final, mais qu'il l'avait, quand bien même il l'avait, et qu'elle fonctionnait sur son ordinateur. Donc je fais oui, d'accord, ok, mais je la veux quand même. C'est une question de principe. Bah ouais, ouais. Donc voilà, bon, c'est, on verra plus tard, c'est pas grave. Ouais. Pour moi, ça a permis de faire connaître le truc. Enfin, voilà. Et alors donc, Arashi, c'est développé par le petit studio. Alors je sais pas comment on le prononce, c'est Endeavor One. Alors qu'ils sont pas, on va dire, à leur premier coup d'essai en VR. Ils ont fait Jump. Alors je sais pas Say, si tu connais, c'est sur Steam VR. Non, je ne connais pas. Je vais voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors c'est une. Alors pour le coup, c'est une expérience de saut d'immeuble en immeuble. Un peu comme Neo dans Matrix, tu vois. D'accord. Ah ben un peu comme le jeu qu'aimait bien Okami là. Où tu jumps là, où tu t'accroches avec les mains et tout. Rise. To the top. Ouais, to c'est the ça. Top, ah oui, to the top, exact. Ah non, c'est encore plus basique que to the top. To the top, tu pouvais grimper et tout. C'est tu un jeu de course. Ouais, non, là c'est vraiment jump, c'est un truc, tu sautes de toit d'immeuble, de toit en toit quoi. Ah ouais, c'est sorti en 2015 apparemment, c'est très très épuré, c'est assez long. Dis le prix. Il est à 9,99€ sur Steam. Ça va. Et il y a juste une seule review sur Steam. Excellent, welcome in the Matrix, nice music, good experience. Pourquoi pas. Avec des cadeaux. Endeavor One quoi. Non. Ok, d'accord. Excellent jeu. Donc voilà, ils ont fait ça. Ils ont fait. Alors ça m'a encore plus surpris. C'est Halo Recruit. Ils ont développé une expérience pour Microsoft. Ah mais c'est eux qui ont. Attends. C'est eux qui ont fait Halo Infinite. Oh là là, oh, des problèmes putain. Oh, on peut plus rire. Non mais je dis plus rien. C'est... Allô, recruit. Recruit. Ah mais putain. Alors ça, on en a débattu de ce jeu-là avec Spanks à l'époque. En fait, c'est un jeu en VR. Jeu. Ouais. C'est un jeu en VR pour Microsoft, donc sur la saga Halo. C'est de la merde en barre, mais vraiment en fait c'est tout ce qui est immersif dans la VR. En fait ils ont dit ouais non ça nous intéresse pas, et on va faire un jeu de tir sur un écran plat en VR. C'est ça, c'est-à-dire que tu tires sur des cibles sur un écran plat en VR. C'est ridicule. Il y avait tellement dans l'univers d'Halo, dans l'univers d'Halo, il y avait tellement de choses à faire avec l'univers d'Halo. Purée. Et en plus c'est un peu, ils mettent l'amusement au loin, tu sais, tu le vois mais tu peux pas bouger et tu peux pas y accéder, genre ils te mettent les ennemis, certains ennemis en 3D et tout, immenses juste en face de toi, ils mettent comment on appelle ça, tu sais, la Jeep où t'as la mitrailleuse dessus, et te la mettent juste à côté, mais tu peux pas y entrer, tu peux pas la conduire, tu peux rien faire, mais elle est là en face de toi. Non, mais c'est. Et allez voir une vidéo, hein, mais c'est une catastrophe ce jeu. Et franchement, c'est pas une parce qu'on n'est pas. Voilà, genre pro S, c'est pas la question. Mais franchement, c'est ce qui ressort de la globalité des testeurs, des influenceurs VR, surtout aux États-Unis. Ils sont dégoûtés. Ah oui. La majorité est dégoûtée. C'est dommage, c'est en plus. Halo, je veux dire, il y a quelque chose à faire, quoi, de super. Hein. Mais, Alors, je pense pas que ce soit le studio. Qui n'a pas fait les propositions. Ouais, on peut faire ci, ça et tout. Je pense que c'est voilà, c'est MS qui. Mais ça ressemble vraiment à du foutage de gueule, parce que franchement, c'est comme si tu mets ton casque, t'es dans un environnement comme une salle d'entraînement, t'as un écran plat devant toi et tu tires sur ton écran plat, et voilà. C'est ça. Mais c'est ouais, bon, je comprends pas. Bref. Ok, bon bah c'est eux donc qu'on fait cette merde. Ok. Ils ont fait ça, et puis accessoirement une borne d'arcade dans un dôme. Où ils projettent un genre de House of the Dead à 360. D'accord. Et c'est pas de la VR, mais c'est genre une borne d'arcade, mais avec un espace de jeu en coopération à 360 degrés. D'accord. Voilà, bon. Donc en gros, ils ont touché un petit peu à tout. Et ce qui fait que Arashi, c'est leur premier vrai jeu en VR. Donc, l'histoire. L'histoire d'Arashi, ça se déroule au Japon féodal. T'as la vie qui suit son cours jusqu'au jour où tu as un charmant monsieur qui s'appelle Gunbei, qui a déjà conquis la plupart des territoires à l'est du Japon, qui décide encore plus d'ancrer son pouvoir sur ces terres et qui propose à la Vague Bleue, une région qui produit de la soie bleue impériale, il leur propose sa protection. Mmh. Et un petit peu comme la mafia qui propose aux marchands leur protection en échange de quelques dollars. Voilà. Mmh. Voilà. Et les anciens de la Vague Bleue, gentiment, ils refusent. Ils font « Ouais, merci, revenez nous voir, bon week-end. » Et comme par hasard, peu de temps après, ils se font envahir par une armée dirigée par les six Oni Diga. Mmh. Donc ce sont des gros combattants sanguinaires, vêtus d'armure, et qui portent chacun un masque de Oni. Mmh. Voilà. C'est un démon japonais. C'est du folklore japonais, et puis il y a le masque du diable, je crois d'ailleurs qu'il y est. Mmh. Et puis il y en a d'autres, les significations, après je suis pas spécialiste. Hein. Mais bon. Et donc ils massacrent tout le monde, et ils prennent possession du château de la région, ainsi que de 5 autres châteaux disséminés dans la région de l'Est. Et il y a un seul survivant de la Vague Bleue qui arrive à se traîner, blessé. Il se traîne jusqu'au chef des Arashi, donc du clan, la grande famille, voilà, le parrain. Et il leur dit, il s'est passé ça, on réclame justice. Tac, il claque en face du chef. Mm-hmm. Le chef, il vient d'apprendre la nouvelle, il est carrément pas d'accord avec ce qui se passe. Seulement, il peut pas intervenir directement. Il y a un petit aspect politique dans Arashi où ils disent, si j'interviens, ça va un petit peu mettre à mal mes affaires avec le shogun. C'est pas ma juridiction, c'est vrai que le shogun, en général, il rigolait pas trop avec ça, quoi. Tu faisais pas ce que tu voulais. Le shogun, c'était le chef des armées, le général. C'est ça. Voilà. Enfin, c'est un regroupement de personnes, le shogun, mais... Ouais. C'est ça. Avec un chef, Et donc, vu que lui, il est dans les hautes sphères, il peut pas faire n'importe quoi de manière directe. Et donc, du coup, il fait appel au shinobi, donc Kenshiro, le dernier vrai descendant, donc le dernier fils des Arashi, qui est un maître assassin, un shinobi, et voilà, qu'on incarne, et on va devoir faire justice et retrouver son honneur. Qu'on a perdu, ça c'est un peu plus développé dans l'histoire au fur et à mesure. Donc voilà, en termes de scénario, c'est comme ça que c'est posé. Mmh. Et on va devoir assassiner les 6 Oni successivement. Mmh. Voilà. Mais du coup, vu qu'il y a des Oni et que ça, on rentre là carrément dans le folklore japonais fantastique, ça, sans spoiler. Ça reste très terre à terre, très très réaliste, ou est-ce qu'il y a un petit peu de fantastique dans le scénar? Il y a du fantastique dans le scénario. D'accord, ok. Donc les Oni, en fait, ils ont de démoniaques, on va dire, que leur personnalité et leur armure, ils inspirent vraiment la terreur parce qu'ils sont assez imposants, surtout le chef. Mmh. Et c'est surtout ce domaine-là. Mais ils sont avant tout humains. On va dire qu'ils ont perdu un petit peu leur humanité. Mais il y a toute une histoire d'absorption d'âme, de trucs comme ça. C'est là que ça dérive un petit peu vers le folklore, le fantastique, comme en fait la série Tenchu. Mm. Parce que le jeu ressemble énormément. Il s'est inspiré énormément de Tenchu. Mm. Et pas de... comment l'autre là ? De Ghost of Tsushima, comme certains le comparent, en fait. C'est plus de ce côté-là. Et Arashi, c'est surtout... c'est décrit comme un jeu d'action, mais c'est surtout un jeu d'infiltration. Parce que dans ce jeu-là, à partir du moment où tu te fais repérer, tu te fais bolosser par les adversaires. D'accord, donc c'est faut pas bourriner, quoi. Tu peux bourriner... On te donne les moyens de bourriner, mais c'est à partir du moment où tu as 2 ennemis, 3 ennemis, 4 ennemis sur toi, là ça devient ingérable. Ouais, d'accord. Parce que les contrôles sont très bien faits, mais c'est compliqué de gérer parce que le jeu il est pas parfait. Il a de très bonnes qualités, mais il est pas parfait. Donc, je vais perdre le fil du rasoir. Fil du sabre. Le fil du sabre. Excellent. Donc voilà, Kenshiro, dès que vous démarrez le jeu, alors ce qui est bien, c'est qu'on est directement dans la peau du personnage et les développeurs ont aimé mettre l'étape de calibrage, de configuration des options de confort directement dans le jeu. C'est-à-dire qu'on est directement dans le temple et plutôt que ça soit genre une étape chiante qui te mette un petit peu à l'écart de l'expérience, là t'es directement dans le jeu. Tu bouges, tu découvres tes bras, un petit peu les contrôles, ce qu'on te donne, ce qu'on te laisse entrevoir, ce que tu peux faire. Et on te dit, voilà, il y a rotation angulaire à 45 degrés, 90, ou libre, enfin fluide. Et tu as la réduction de la fenêtre pour le motion sickness aussi. D'accord. Une fois que tu as passé ça, il te raconte un petit peu l'histoire. Alors, la manière dont c'est raconté l'histoire, c'est... Moi, j'aime... Enfin, Majo, je sais pas. Mais j'aime beaucoup comment l'histoire est racontée, les transitions en fait dans ce jeu là. C'est l'effet écran. Moi j'ai fait que celle du début là où le jeu se lance. Alors c'est des espèces de dessins animés en fait, un peu ouais. Artistiques, tu sais, dans le style typiquement japonais avec les contours très noirs, tu sais, très graphiques. Des estampes japonaises. Et, ouais, alors je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Les dessins animés de Kung Fu Panda. Oui, c'est ça, exactement. Kung Fu Panda, il est quand il est en 3D, mais quand il raconte les histoires, c'est des estampes qui sont animées. C'est exactement d'accord, ça. Ok, autant donc, pour moi. Autant ça me fait moi. Un peu penser à ça, et du coup, après, t'as un narrateur derrière qui parle et qui raconte l'histoire, donc C'est ta cousine, c'est ton. Le fil conducteur, c'est ta cousine, donc Ayane, qui raconte. Sérieux, elle s'appelle vraiment comme ça? Elle s'appelle Ayane, alors que dans Tenchu, la meuf s'appelait c'est Ayame, je crois. Ayame, c'est ça. Donc là, c'est Ayane, rien à voir. Hein. Ok. Non, c'est bien. Bonne référence. Belle intervention, non, merci. Je me suis fait la même. Tu sais, je fais. Ouais. Bon, bah, c'est. Et le héros, il s'appelle Rikimari, non? C'est ça? Au lieu de Rikimaru. Sushi. Non, c'est Kenshiroda. D'accord. Donc. Donc voilà, et Ayane est le fil conducteur, elle t'explique ta mission en fait, ça va être ton briefing. Voilà, tu te rendras à tel endroit, voilà ton ennemi. Alors les ennemis, il y a une certaine histoire, elle te raconte un petit peu leur passé, ce qu'ils sont un petit peu pourquoi ils sont devenus comme ça, ce qu'ils ont fait. Et pour te donner un petit peu un petit background de l'empathie, quoi. Ouais. De l'empathie, d'accord, et de vraiment que t'aies vraiment envie de mettre fin à la Metal Gear, voilà. Bon, on est un peu moins tordu. Est-ce que ce serait pas un jeu de Kojima, ça? Ce serait pas un préquel à un futur jeu Kojima? C'est un préquel de Silent Hills. On va chercher. Il y a pas assez de livraison. Non, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Et franchement, tout du long, alors. Je reviendrai sur la partie graphique parce qu'il y a des choses qui vont forcément. Mais on voit que les développeurs ont vraiment une bonne connaissance et un amour pour le Japon, la culture japonaise. Et il faut préciser aussi que le jeu est doublé en japonais intégralement avec des voix qui. Ouais, ça c'est cool. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Et traduit en français intégralement, puis dans toutes les autres langues. Ah, c'est bien ça. Ça c'est très très bien et franchement c'est plutôt convaincant. Et donc voilà, dès le départ on entre en contact avec notre compagnon Aku, donc c'est un loup, une louve, et il y a plusieurs interactions que tu peux faire, que tu peux avoir avec elle. Donc le loup t'accompagne, te suit en permanence dans toutes les missions, et on peut faire certaines actions avec, comme pose-toi là, aboie, cherche, t'as des petits collectibles à trouver, des petits trésors, des trucs comme ça, donc elle peut gratter la terre. Ouais, il y en a un paquet d'ailleurs. Ouais. T'as en tout, fais ta ça crotte, sert à rien, mais. Un truc comme ça, quoi. Tu ramasses ta croix, tu le mets dans le sachet. Ouais, c'est important, ouais, c'est très important. Civilisation, civilité, les mecs. Donc, ouais, les collectibles, t'en as. T'as des parchemins, des arbres à qui parler. Et puis de l'or à trouver. Voilà, c'est pour platiner le jeu, sinon ça a pas énormément d'intérêt. D'accord. Et voilà, le chien te suit et tout. Et franchement, le chien, il est bien rendu. Et pour moi, c'est le GOTY 2021, on peut câliner le chien. Wow. Oui, caresser le chien. Ouais, franchement, et il gigote la patte arrière. Et la physique du chien réagit, il baisse les oreilles, il a le poil, il a le poil soyeux qui s'écrase sous tes mains. Oui, oui, oui, c'est ça. Mais c'est vachement bien foutu. Le loup est vraiment très bien fait. Et en fait, j'ai regardé, et ils ont motion capturé des bergers allemands. D'accord. En fait, c'est, ouais. C'est bien. Non, mais c'est bien. C'est la mode un petit peu des chiens en VR entre Blair Witch et puis Arashi en ce moment. Ouais, et puis c'est un peu humain aussi d'avoir ce relationnel entre l'homme et le chien, l'homme et le loup. Surtout que vis-à-vis de toi, c'est plus un chien qu'un loup, mais par contre, vis-à-vis des autres, c'est le loup le plus furtif du monde. Hein. Parce oui. que même quand il est devant l'ennemi, personne ne le voit. C'est un loup ninja. C'est ça. Et le loup, il fait 1m50. Bon, j'exagère à peine, mais il fait 1m50. Il se balade entre les ennemis. Le loup de Game of Thrones. Y'a rien à branler, quoi. Ouais, y'a des petits bugs. Ouf, ouais. Des petits bugs, quoi. Ouais, l'IA, c'est compliqué, quand même. C'est le genre d'IA qui regarde le mur, en fait, quand tu traverses. Quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Elle est pas très fut-fut. C'est... Voilà. Et donc, au niveau du contrôle, bon, bah, c'est déplacement libre. Ça, c'est super. En fait, tout ce qui a été mis en place dans la réalité virtuelle pour les déplacements libres, la rotation, tout ça, ils ont tout pris ce qui se faisait de mieux. C'est bien ça. Donc, le jeu se joue intégralement en move. Pas de manette, pas de 3D rudder, pas d'aim controller, que les moves. Vaut mieux jouer assis. Ouais. Parce que, bon, le room scale, il n'y en a pas énormément. Et donc, avec le move gauche, tu peux avancer, sprinter. Tu as un pouvoir, un jutsu qui te permet de faire un scan et de voir les ennemis à travers les murs sur un certain rayon. Mmh. Et tu manipules, donnes tes actions au chien avec le move gauche. Le move droit, c'est tout ce qui est arme à feu, les épées. Il y a quoi d'autre ? La rotation. Et tic tic tic, et je crois que c'est tout. Il me semble aussi. Je vais juste revenir sur les mouvements. Ils ont intégré l'ATP, pardon, je vais y arriver, comme dans Sirento. Sous forme de jump en fait. Donc c'est dash. Ça aussi c'est ouais, mais c'est un dash sauté. D'accord. Donc en fait c'est ta touche de saut, mais qui quand tu veux dasher va te faire jumper en même temps. Et je trouve que ça amène aussi un peu de dynamisme dans le gameplay. Mmh. C'est bien fait. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Bah, ce qui est dommage, c'est que le shinobi qu'on contrôle est un asthmatique en puissance. Ah. Parce que tu traverses, tu cours sur 5 mètres et tu fais un saut, ça y est, t'es à bout de souffle. Alors, c'est littéralement ça. J'ai fait une petite capture. Il y a un moment, t'as un petit pont. J'ai couru, je suis arrivé jusqu'au bout du pont. Le mec était essoufflé. Je suis en purée. Bon. Mais après, je pense que c'est pour pas rendre le jeu facile, trop facile en fait. Ouais, déjà, plus qu'il ne l'est déjà. Donc, et alors bon. À noter que quand tu cours, tu fais du bruit aussi. C'est vrai. T'as une zone. Tu vois des cercles qui sortent de tes pieds, des cercles jaunes, et c'est pour t'indiquer que tu fais du bruit. Donc, c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. C'est assez intuitif. On prend très vite ses marques. Il y a des petites interactions aussi avec. Tout ce qui est cordes, échelles, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les feuillages, tu peux grimper. Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que t'es pas téléporté dans chaque mission, t'es pas téléporté directement dans le château. Genre voilà, t'as popé dans le château, va trouver le méchant, bute-le. Non. Ils ont fait un truc que je trouve vachement sympa, c'est que tu t'infiltres du début à la fin. Donc t'es soit dans la forêt, soit dans les cascades, dans les montagnes, tu te frayes un chemin en grimpant sur des parois que tu peux escalader, tu as des petites cordes, des échelles, tu peux utiliser aussi un grappin, c'est ça aussi qui est pas mal. Alors c'est très rapide en fait, hein. C'est des endroits qui sont prévus pour, tu vises, tu tires, et mais aspiré à la vitesse du son jusqu'à la destination. Des bonnes sensations, ça quand fait même, bizarre. Non. Il y a de très très bonnes sensations. Mais c'est ça en fait, tout le gameplay autour de l'infiltration, c'est génial. Et dès que tu dépasses le stade de l'infiltration, que tu veux te fighter, c'est là que tu vois que c'est pas top. Ouais. C'est pas top. Donc, mais le mec, le développeur qui a enfin celui qui a dirigé le truc là, il explique que vraiment il voulait donner plus de puissance au côté infiltration et donner cette impression aux joueurs d'être vraiment puissant à partir du moment où on est au stade d'ombre et invisible. Mm. Et comme tu peux sauter de paroi en paroi, tu peux sauter sur une botte de paille, ensuite t'accèdes au coin sur une corniche et tu te balades de toit en toit. Et là, t'arrives, tu vois des ennemis en bas et tac, t'arrives. Il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. Donc tu peux tomber de 50 mètres, t'arrives sur l'ennemi et flair, tu le transperces de ta lame et tout. C'est ultra satisfaisant. Mm. Alors, tu parles de ça, petit bémol, je suis assez déçu. De la physique de contact, que ce soit avec les ennemis ou même alors je vais faire le parallèle avec Swordsman. Bon, alors là, c'est un jeu qui est spécialisé dans le combat à l'épée, donc c'est encore différent, mais ce réflexe que j'ai toujours de vouloir taper mes sabres l'un contre l'autre, ben là manque de satisfaction, ça fonctionne pas. Ah. Et en fait la physique est pareil avec les ennemis, c'est-à-dire que Tu vas le transpercer, tu vas le couper, etc. Mais tu vas pas sentir une perforation quelconque. Enfin, c'est vraiment l'opposé de, on va dire, de Saints and Sinners, où tu as tout en termes de physique, et là tu n'as rien au final. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Ça manque justement d'impact quand tu es face à un ennemi. Quoi. C'est ce qui illustre un petit peu le côté pas suffisamment de finition dans le jeu, quoi. Oui, voilà. C'est ça que j'entends quand je parlais de ça tout à l'heure, effectivement. D'accord. Ouais, c'est vrai que quand on fait les petits combats, que les ennemis partent entre guillemets, hein, parce que il y a des petites phases, t'as dû t'en rendre compte, Majo, qu'on peut pas les toucher. Oui, j'ai pas compris. Effectivement, il y a des parades qui n'existent pas, mais tu sais pas. Enfin, ils sont en garde. Tant qu'ils sont en garde, en gros, tu peux rien leur faire, visiblement. C'est ça. À partir du moment où ils t'ont repéré et que voilà, ils sont en garde H24, donc tu peux pas les toucher. Le seul moment où tu peux les toucher, c'est quand tu fais une parade. Ou qu'ils mettent dans le vent un enchaînement, parce que voilà, ils font plusieurs types d'attaques. Et comme dans Ghost of Tsushima, pour le coup, là, ça y ressemble. Dans Ghost of Tsushima, t'avais différents types d'attaques que tu pouvais bloquer ou ne pas bloquer du tout. Mmh. Et ça faisait une petite lumière. Je crois il y avait blanc et rouge. C'est un peu pareil dans Arashi. À partir du moment où tu vois une lumière violette, c'est un enchaînement qui est beaucoup plus compliqué, et là en général vaut mieux prendre de la distance. Donc le mec fait son enchaînement dans le vent, même si t'es derrière son dos, hein, il continue, hein, et j'ai commencé, je termine. Et juste après l'enchaînement, c'est là que tu peux le planter. Mais avant, il part tout ce que tu lui mets. Absolument tout. Donc c'est vrai que ça, c'est pas top, et c'est pareil, l'interaction que t'as avec le sable, tu peux pas couper les feuilles, tu peux pas les hautes herbes, tu peux rien couper, tu peux pas couper les murs en papier et rentrer dans les maisons. Ça manque du petit plus qui fait toute la différence, en fait. Ça manque de simulation immersive. Oui, ça manque de physique, en fait. Non, mais tout simplement, ça manque de physique au global. Mais par contre, tout ce qui est en termes d'infiltration, tu peux te planquer dans les hautes herbes. Là, franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. T'as un effet prédateur sur les bras de Kenshiro, où t'es en camouflage optique. C'est vraiment bien foutu, et ça t'indique voilà que t'es camouflé, que l'ennemi ne peut pas te voir. D'ailleurs, de manière mais complètement abusée, parce que j'ai vu des trucs, mais putain, je m'en remets pas. Genre trois adversaires qui m'ont vu, qui ont cru me voir, donc ils vont vérifier dans les hautes herbes, et tu peux être à 5 cm et en planter un, t'as son pote, il va pas s'inquiéter. Hein. Oh zut! Oh t'es oh, bah, con, t'es con, Roger! Qu'est-ce que tu me fais là? Bon, la vie continue! Ah, hein. Allez, oh merde! Putain, mais il y a une épidémie ou quoi? C'est terminé quoi! Et voilà, je suis un ninja! il me devait 10 balles, merde! Ah non, ouais, c'est ça! Mais voilà, ouais, c'est des petits trucs comme ça qui sont un peu dommages, mais là. Où c'est aussi intéressant dans le mode furtif, c'est que tu peux faire vraiment toute la période, toute la phase où tu commences l'infiltration jusqu'au boss, tu peux la faire sans tuer un seul ennemi. Ça, c'est plutôt pas mal. En te camouflant, en faisant des diversions. Mais il donne envie, hein, quand même, vu que comme on t'en parle, en plus, moi, étant ancien fan de Tenchu, c'est vrai que ça donne quand même grave envie. Quoi. C'est... Ah, je te dis, c'est un jeu, il a les mêmes problèmes que Tenchu. C'est Tenchu, il a les mêmes soucis. Pas d'IA. Là, il te l'a survendu, là. Ouais, ouais, ouais, probablement. C'est un, jeu PS1, c'est un jeu PS1 qui a les mêmes problèmes qu'à l'époque. Bah, c'est allé jusqu'à la 360, cher ami. Bah, Attention, la licence Tenchu est pas si vieille que ça. Ouais, c'est vrai, il y en avait encore sur PS3 et 360, effectivement. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que c'est un vieux gameplay extrêmement lourd et que c'est compliqué. Je sais pas si vous avez essayé de rejouer à Tenchu 1 et 2 dernièrement, mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Ah bah tu contrôles un pétrolier quoi pour, ouais, c'est pour ça. Tourner, mais c'était un truc de fou quoi. C'est ça. Mais bon, c'était l'époque, on aimait bien. Hein. Et puis ça sortait, t'étais un ninja quoi. Ouais. Et des gerbes de sang. Ah, ça, quand tu mets du sang. Et donc, du coup, il y a du sang là, dans Arashin ou pas? Et des petits plouc plouc. Ouais. Des plouc plouc. Ouais, c'est vrai. Ouais, des plouc plouc. Une petite giclette quoi. Mais c'est Peggy 12 quoi. Rien de bien violent quoi. D'accord. Il n'y a pas, voilà, y a pas de démembrement, enfin, je demande ça, hein, c'est pas une soif de sang et de meurtre. Non, meurtre, non, il n'y a rien du tout. Mais il n'y a pas de démembrement. Non, non, quand tu dis qu'il n'y a pas de physique. Il n'y a pas de démembrement. Il n'y a pas de tête qui saute, ni quoi que ce soit. Il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Je suis un peu dégoûté. C'est un peu dommage. Dans les slots, il y en a. Dans des jeux de sabre, c'est un peu dommage quand même. Le seul truc que tu peux démembrer, c'est les bras zéro. Ouais, mais c'est pas pareil. Tu peux les démembrer? Bah, tu les éteins, quoi. C'est le seul truc. La seule interaction physique, on va dire, que tu as avec, avec le décor. Ouais, tu colles une flèche, un shuriken, un coup de sabre, ça éteint. Allez, hop, extinction des feux. Ting. D'accord. Donc voilà. Et bah, toujours pareil, donc tu disais, ça s'articule toujours de la même façon. C'est un jeu, je sais pas si on peut dire, c'est semi-ouvert. En fait, c'est linéaire, mais semi-ouvert. Et ça fonctionne, alors t'as un grand niveau qui est divisé en plusieurs étapes, et les étapes c'est un point A, un point B. Donc tu atteins la grande porte, hop, t'es dans la deuxième partie du niveau, tac tac, jusqu'à arriver au château, au fameux château où il y a ton adversaire. Et dans le château, Haru ne t'accompagne plus, et là c'est, on va dire... il favorise l'infiltration à 100% jusqu'à ce que tu atteignes la porte où il y a le boss. D'accord. Et là, c'est combat face à face ou le défaut du jeu ressort à chaque combat de boss. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, sauf là, t'as plus le choix, quoi. T'as plus le choix, t'es obligé d'y aller, quoi. Ouais. Ah bah oui, et les combats, j'en mettrai dans le test pour montrer un petit peu le côté... C'est les combats de Sword of Gargantua. Oui. Ouais. Non, je veux dire, non, mais là c'est une question parce que je suis pas arrivé jusqu'au boss, moi. Mais ça restait quand même très problématique quand t'avais des mecs qui étaient un peu surpuissants pour justement parer. Ils sont pas surpuissants. Arriver à zoner, enfin à sortir de la zone d'action de ton ennemi, à cause des moves, hein, de toute façon, ni plus ni moins, hein, pour l'aspect reculé, bouger droite gauche. Ah, c'est ça qui est casse-couille. C'est ça qui est casse-couille. Ouais, parce donc que c'est le même problème en fait que Sword of Gargantua. C'est le même. C'est le même problème. Et parce que tu veux forcément passer, faire un petit pas de côté, un pas en arrière, faire un petit saut. Et donc du coup, si tu veux orienter ton move, dire je veux aller là-bas pour faire le petit saut, tu baisses ta garde, en fait. Que c'est dommage, mais on peut pas faire autrement. Ça manque de stick sur ces. Il me semble qu'on en avait déjà parlé de ça. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. Oh non, moi je trouve pas. Sur Astro Bot, ça me gêne pas. Sur Hitman 3 non plus. Moi, ça m'éclate d'appuyer sur des boutons pour avancer, pour reculer. J'adore. Ouais, mais là, c'est un peu casse-couille. Hein. Moi, ça me casse les couilles depuis 2016. Hein, donc, ça va avec nous, les gars. Les PS Move, c'est des ustensiles de boomer. Donc, Chut, oh, boomer accessories. Cette expression de merde. Excuse-moi. Tu penses pas à renommer le site VR for Boomer, Laurent? VR for Boomer. Hein. Ouais, en même temps que t'as avec des gars de notre âge, hein, qui jouent en VR, hein, c'est dingue, c'est 40 ans. Bah attends, j'ai pas encore la quarantaine, hein, calme-toi. Ouais, mais dans l'esprit, t'es vieux déjà, donc si. Si t'es vieux, t'es vieux, voilà, t'es vieux, dans ta tête. Bah tu joues en VR, t'es vieux. Ouais. Ah, plus on vieillit, plus on devient susceptible. Oui, d'accord, c'est le chef, c'est oui, chef, vous avez raison. Bah, tu joues à des jeux physiques, excuse-moi, voilà quoi. Bon, en même temps, payer pour une location, bref. On n'a pas le droit de dire de mal de la location de jeux vidéo. Non. Ok, bon, est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter pour Arashi? ou des points vraiment négatifs qui t'ont sorti du game ou des choses qui t'ont vraiment enchanté Point négatif, les combats. Un autre truc, les ennemis ont tendance à venir trop près de toi. Ouais. Donc du coup, on se connaît. Pareil, tout ça, c'est pas tactile. Oui, c'est. Zone de confort, reculez. T'as pas le contact. Il plante. C'est ça. Donc, mais sinon, les cinématiques, parce qu'il y a des petites phases cinématiques qui ont été motion capturées qui sont vraiment top à chaque fois que le boss il meurt. Le dernier boss, c'est le seul. Alors, ouais, c'est ça le côté négatif dans les combats de boss, déjà qui t'oblige à te battre avec ce système dégueulasse. Et c'est toujours de la même chose en fait. C'est je bouge, je pars, je touche, ouais. Je rebouge, je pars, je touche. Sauf le dernier boss où il y a une certaine. Ouais, attention, pas de spoil. C'est le seul boss où il y a une méthode. D'accord. Qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et ça aurait été bien justement que chaque boss. Qui sort un peu de l'ordinaire. Et le même système où tu dois trouver une faille pour pouvoir le battre, quoi. Et puis, on n'en avait pas trop parlé. Je parle beaucoup. Mais graphiquement. Hmm. Il est magnifique. Majo. Sale mytho. Sale mytho. Non, j'avoue. Alors, moi, je l'ai essayé aujourd'hui, donc sur PS5 avec la mise à jour, donc le patch 1.03. C'est le riche. Ouais. Donc, qui amène une amélioration au niveau de l'aliasing et du rendu global du jeu. Mais j'ai peur de ce que c'était avant. Alors, on a beaucoup critiqué No Man's Sky, mais... A raison. Là, personnellement, a raison, jusqu'à sa venue sur PS5 avec son patch. Mais là, ouais, je pense qu'on tient un petit concurrent, quand même. Vous avez vu, quand même, avec quelle facilité il arrive à reposer No Man's Sky de partout. Hein. C'est ouf, hein. il est fort, il est très fort. Il est très, très fort. Ah, mais No Man's Sky, il est passé du ultra deg, à la... Ah, mais il est passé par toutes les étapes, hein. Alors, en même temps, de bêta à 70€ au jeu pas fini en 2020. À 15 balles. Au jeu fini qu'il est aujourd'hui à 15 balles. Il y a encore des mises à jour de prévu. C'est normal, il y a toujours du contenu en plus. Donc Arashi, donc. On parlait d'Arashi. Je vous l'avais dit. Oui. Moi, personnellement, Arashi, là où ça m'a piqué les yeux, c'est au tout début. Bon, tu vois le loup, il est bien fait. Par contre, tu vois ton domaine. C'est aliasé à mort. Ouais. Mais vraiment à mort. C'est comme la démo de Frac au tout début. Je fais... C'est pire. Non. C'est bien pire, arrête. Non. Ah si, si, non, si. Non. Ah mais si, si. Alors, c'est parce que toi tu rajoutes. Regardez à travers vos écouteurs, vous allez voir que j'ai raison. Non, franchement, c'est parce que tu rajoutes d'autres trucs, d'autres éléments. Comme c'est vrai que le feuillage des arbres, il est pas top. C'est des textures plates mises les unes sur les autres. Tu vois, bon, de loin ça va. Je vais faire le mec ultra mégalo, Elroco. Je suis désolé, mais rappelle-moi, c'est quoi la version de ta console que tu as? Comment il veut qu'on dise qu'il est le seul à avoir une PS5. Oh, le mec il est puant, quoi. Quand vous avez goûté à l'élite, vous pouvez pas comprendre. C'est ça. Excuse-moi, non, t'as quoi? Non, toi, mais déjà franchement, est-ce que tu me parles, toi, là? Non mais allez, vas-y, dis-moi, balance-moi, t'as quoi comme truc là? Non mais c'est petit, sans déconner, c'est vrai. T'as une PS4, toi? Fat. Tu n'as qu'un PSVR. Mais c'est un jouet. Ouais, c'est ça. Attends, vas-y, ouvre la bouche. Je vais être recruté par Canard PC. Par Connard PC, ouais. Ouais, c'est ça. T'es bon là. Je suis en train de me transformer. Non mais très honnêtement, non, franchement, l'aliasing, enfin, pour moi, c'est abusé parce que ça cache pas en plus des textures qui sont ultra détaillées, ultra photoréalistes, quoi. Donc pour le coup, attention, comme disait le Rocco au départ, ça reste leur premier jeu VR. Quand tu prends le passif, ils ont pas fait des trucs extraordinaires non plus. Donc il y a quand même une grosse marge de progression. Mais bon, faut aussi être honnête, c'est pas graphiquement, c'est pas la panacée. Et puis l'aliasing, enfin, moi, non, je le trouve quand même très présent, quoi. Horrible, même si effectivement il est moins présent que par dans la partie sanctuaire, là où je sais pas comment tu l'appelles, ou dojo du départ. Sur la suite du jeu, parce que les environnements sont un peu plus ouverts, il y a moins d'arbres, il y a moins de feuillage et tout ça. Ça va plus être des environnements rocailleux, montagnes, ce genre de choses. L'effet de l'eau. L'eau est plutôt pas mal rendue aussi. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez léger en termes de graphisme, faut pas se leurrer. on va dire on est sur du graphisme moyen bof sur certains endroits et du moyen bien sur d'autres. Et j'ai fait un autre jeu juste après dont je vais parler, j'ai pris une claque. No Man's Sky. No Man's Sky. Ouais, non, pas du tout. juste non, une petite question en général. Hitman, c'est vous qui le demandez souvent pendant l'émission, mais est-ce qu'il y a un patch PS4 Pro qui a été déployé pour ce jeu ou pas? Ben oui. Ah, donc tu n'écoutes pas tes invités du coup. Oui. C'est grave. On en parle depuis. Ben bah oui. C'est grave. Ben oui. Ah merde. Mais oui. Donc oui, il est sorti justement, il est sorti aujourd'hui. Mais attends, on parle de quel jeu là? On parle de. On est toujours sur No Man's Sky. On est sur Beat Saber, c'est ça? D'accord. On parle de No Man's Sky. D'accord. On est à l'émission 60, ça y est là. D'accord. La 24ème miam. Ok, d'accord. Bah, merci. Donc, non, le patch est sorti justement et puis c'est bah, c'est je, comme j'ai dit, j'ai peur de ce que c'était avant quoi, franchement. Vu vu ce que j'ai vu. Bah, après, il y a plusieurs environnements et je trouve que bah, même d'autres youtubeurs proches de nous l'ont testé et franchement. Ils en disent du bien hein, de ces environnements-là. T'as un cimetière, à un moment donné, t'es dans les montagnes, t'as un autre, t'es près du port, t'as des effets, à un moment, un effet un peu Ghost of Tsushima, où t'as les feuilles qui tombent des arbres. Bon, c'est des grosses feuilles, tu vois, mais c'est toujours ça, tu sais, il y a des petits trucs, ils ont tenté de faire des petites choses qui sont pas folichonnes, mais esthétiquement, qui sont sympas, quoi. C'est pas à gerber, c'est pas folichon, mais c'est pas à gerber non plus, mais ça mérite d'être là. Et alors peut-être que je suis pas du tout objectif à cause de mon engouement pour ce style Tenchu-esque, mais que je retrouve beaucoup, tu vois, dans ce jeu, même sur les armes, les trucs comme ça. Parce que t'as des petits trucs empoisonnés, des petits bottes de riz empoisonnées que tu peux balancer, des petits trucs comme ça, tout ça c'est sorti de Tenchu. Donc forcément, peut-être que ça me fait remémorer de bons souvenirs, donc bah peut-être que je suis pas objectif. De toute façon, un test c'est pas objectif, hein, c'est ce que tu ressens quand tu joues, le plaisir de jeu, et puis voilà quoi. Donc si t'as kiffé, faut pas s'excuser d'avoir aimé un jeu. Hein. Et justement, tu lui mettrais combien de bols de riz sur 10? Ah, c'est compliqué parce que j'étais parti entre 6,5 et 7. Ah, il est plus entre le 7 et 8. Hein. Ah. Il est plus entre le 7 et 8. Parce que tu l'as terminé en même temps. Donc, je l'ai terminé. T'as une vision globale, ouais. Globale du truc. Oui. Ouais. Et en fait, c'est surtout par ce qu'il propose. C'est pas là où il a échoué, mais sur ce qu'il propose réellement. Et c'est en fait une nouvelle licence. De toute manière, la fin, elle est ouverte. Ouais. Donc, c'est clairement, ça annonce un combat acharné face aux Oni. Donc, sans spoil, voilà, si c'est un premier épisode et qu'on a un deuxième épisode sur PSVR 2 avec la PS5 et tout ce qu'elle pourra faire, franchement, ça va défoncer. Peut-être un jeu sans aliasing. Ah bah, on espère, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Non, mais 7 ou 8 sur 10, c'est pas un échec quand même. Ah non, pas vraiment. Non. Loin de là, quoi. Qu'est-ce qui n'est pas un échec? Ah non, il est quand même plaisant. Oui, franchement, voilà. Mais ah, non. Il y a des grosses lacunes, quoi. Enfin, si tu veux être pointilleux et chercher le jeu à 100% avec le 10 sur 10, on est loin, quoi, tu vois. Mais il y a quand même des trucs. Il est bugué. Hein. Après, voilà, il l'a fini, moi non, mais. Et il est bugué à fond, hein, mais voilà, il faut passer outre. Hein. Il y a des bugs qui sont vraiment très chiants. Là, j'espère que les développeurs vont faire des trucs, vont faire quelque chose dessus. Comme il y a un moment donné, tu es dans le château d'un des boss, et quand tu reviens sur la sauvegarde, tu as un écran noir, le jeu te fait sortir, revient sur l'écran d'accueil, et tu as perdu ta sauvegarde de l'entièreté du niveau. Ah ouais. Donc tu recommences tout. Ah ouais, c'est sale ça. Ouais, Ça c'est vraiment dégueulasse. Et pour empêcher ce truc-là, il faut carrément fermer l'application, revenir sur le jeu. Ça trop pop et t'essayes de te manier, d'avancer pour que le jeu, comme. C'est un diesel quoi. Ouais. C'est un peu comme un diesel. Il y a vraiment ce bug là, sinon t'as des petites merdes comme bah, tu traverses la carte. Je me suis retrouvé sous la carte, dans le fin fond de l'espace. Ah, c'est toujours sympa ça en VR, ça donne des bonnes sensations. T'as l'impression d'avoir ton estomac qui remonte jusqu'aux oreilles. Ah, sympa, surtout quand on est debout. Quand t'es debout, t'es. Ouais, c'est très très sympa ça. la baballe de Haku, la première fois que je le vois, tac, elle se colle au plafond. Là, t'as le clébard qui regarde en l'air comme un abruti. Je fais ah merde. Ah, je peux pas aller la chercher, hein, je suis désolé. Ouais, mais même lui, hein, il est un peu en mode téléportation. Super même Saiyan, quand toi tu montes les échelles, lui les échelles, il s'en bat les steaks, il en a pas besoin. Il est en mode Spider-Man, Spider-Wolf. Je te jure, il marche sur les parois, il est à la verticale. Comme le cheval dans Skyrim, pareil. C'est ça. C'est la même chose. Et puis il évite au-dessus du sol, enfin il y a plein de trucs comme ça, quoi. Vraiment, il y a plein de trucs. Bah bon, et tu lui mets 8. C'est, ouais. C'est du détail, mais. Bon, ça reste une bonne pioche en tout cas. Il a dit entre 7 et 8. Oui. Entre 7 et 8. Bon. Mais bon, ce sera peut-être du 7,5. Du 7,5 ouais, et ben, ça. Mon petit Alroco, tu m'as quand même donné envie, quoi. Parce que moi aussi, je suis bien fan de Tenchu. C'est un bon débat, ça. Est-ce qu'il faudrait pas modifier les notes des jeux parce qu'on parlait tout à l'heure de Swordman, par exemple. Qui a commencé, qui était pas mal, mais sans plus, et qui, à force de se. Qui est devenu bien, voire même très bon. Ouais, bon, génial, on va pas exagérer, mais il a une bonne physique de combat, en tout cas. C'est pas simple de se dire, tiens, tu en as noté un jeu, et puis de pouvoir y revenir en lui mettant un point de plus, quoi. Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça, Laurent, même en émission, c'est une mise à jour de test. Faut s'y repencher à chaque fois et c'est compliqué à mettre en place quoi. C'est donc, compliqué. À mon avis, ouais. Après sur le site c'est possible pour n'importe qui de proposer un test. Son oui, test. Tout à fait. Ouais. C'est ça. Avec une petite note et de dire bah, là où éventuellement là où on abuse un peu, on s'arrête trop sur tel ou tel point. Donc ouais, tout le monde a droit à la parole, c'est toujours intéressant à lire, et puis ça peut remettre en question pour la suite. Exactement, il faut participer, n'hésitez pas. Les goûts et les couleurs. Voilà. Tu as fait le tour pour Arashi du coup ? Oui. Oui ? Eh ben, oui, oui. Merci beaucoup en tout cas, Leroco, de nous avoir donné envie de cette Arashi. Moi, je pense... Ah non, il y a aussi... Ah non, je déconne. Non, tu m'as fait une Majo là. J'arrête. Ah non, pas du tout. Oui. Ouais, si, si, si, si. Ah tu... Attends, tu ne demandes pas à Majo s'il a plus rien à dire s'il a essayé. Non, je m'en fous. Alors, on va passer à la suite. Mais en plus, je vais te donner la parole à nouveau, mon bon Majo, pour un autre jeu que tu as testé. Enfin, oui, enfin, t'as survolé quoi pour le moment. C'est Traffic Jam. Alors, j'ai survolé. Oui et non. J'ai quand même. Bon, enfin, si, oui, j'ai dû jouer pareil une heure. Mais bon, j'ai quand même eu le temps de faire 4 ou 5 niveaux, si tu veux, parce que ça va quand même relativement vite pour les découvrir. Bah, Traffic Jam, gros ovni de sortie sur PSVR. Alors, il était déjà sorti sur Quest et PCVR il y a quelques temps de ça. Steph avait fait une vidéo d'ailleurs. Exactement, Steph en avait fait une vidéo qui est sur Vrak, il me semble. Oui. Et une petite preview. Donc, c'est Vertigo Games qui édite, et puis c'est Little Chicken qui produit. Donc bon, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, vous voyez le gendarme à Saint-Tropez, hein, pour les boomers, puisque ce sera une soirée boomer ce soir. le but du jeu, c'est de faire la circulation. Donc c'est un univers qui est totalement barré et déjanté avec des personnages qui sont très caricaturaux. Et alors la réalisation bizarrement elle est assez cool, c'est relativement propre et très coloré, donc sorti d'Arashi du coup ça fait du bien d'avoir un jeu qui est beau. Et finalement c'est pas mal, ça reste drôle. Donc le principe il est très simple, hein, donc c'est faire la circulation pour le premier niveau 3 voies. Et en fait, plus vous allez augmenter de niveau, plus il va y avoir de voies à gérer et à visualiser. Et c'est vrai que ça peut vite devenir le bordel. Et donc, il faut empêcher les accidents qui vont vous faire perdre des points. Et puis, favoriser le trafic fluide pour vous en faire gagner le maximum. En termes de gameplay, alors pour l'instant, c'est assez just. Puisque tu n'as que deux mouvements à faire. C'est pointer la personne ou le véhicule donc, que tu vises. Et puis, lui faire signe de s'arrêter en mettant la main... pomme ouverte vers le haut et ou lui faire signe de s'avancer en lui faisant signe de venir vers toi quoi. Et puis voilà, il faut gérer le timing comme ça en fait sur de la musique. Donc ils insistent bien là-dessus d'ailleurs, Denis, ton formateur, qui se la raconte grave, insiste justement là-dessus sur le fait qu'il faut que tu restes en rythme avec la musique pour que ça soit de plus en plus fluide pour les passages. Et puis en fait, c'est quand même calculé. En gros, c'est des vagues en fait de véhicules et de piétons qui arrivent. Qui sont timés et du coup rythmés avec la musique et qui en fait ne nécessitent pas. Alors au début, quand t'es débutant, le premier truc que tu vois, tu l'arrêtes et tu vois, tu fais ça patiemment, et en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut le jouer. Il faut vraiment anticiper et voir quel espace te permettra de ne pas couper la circulation en fait, et de laisser de manière à ce que ce soit le plus fluide possible, ou voire à faire avancer certains véhicules ou certains piétons beaucoup plus rapidement. Donc, et plus c'est fluide, plus tu scores. Exactement. Et donc c'est un jeu à scoring, ni plus ni moins. C'est des sessions quand tu es sur un monde qui dure à peu près 3 minutes, 3 minutes 30. Et en fait, au bout en 3 minutes 30, il faut que tu fasses le maximum de points. Voilà. Là j'ai débloqué 4 niveaux, je crois. Donc c'est des niveaux qui ont des noms à la con, hein. Bon, il y a Paris, il y a Gouda. Voilà, Gouda qui est une ville spécialisée dans le fromage. Ouais. Je me rappelle pas des autres. Tu as un mode jour-nuit, donc qui va te faire le même monde, mais en mode jour et en mode nuit. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Tu as une petite particularité aussi, c'est que tu as des ennemis qui vont t'attaquer. Alors sur le premier niveau, ça va être une guêpe. Donc il va t'emmerder et que tu vas chasser avec la main, parce qu'elle va se spotter devant tes yeux et du coup tu vois plus la circulation. Mais le fait que tu la chasses avec la main, tu peux plus pointer en fait les personnages. Donc du coup t'es un peu emmerdé, il faut vite t'en débarrasser. Même chose, t'as des zombies qui arrivent sur toi, alors que tu peux soit écraser avec les véhicules qui circulent, ou alors t'en débarrasser quand ils sont trop près de toi, alors mettre une petite mandale. Et puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Et puis les voitures qui sont qui n'ont pas la pastille verte, hein, comme on dit, qui vont arriver à côté de... voilà, exactement, qui vont arriver à côté de toi, qui vont te faire un espèce de nuage de CO2 dégueulasse, qui va t'empêcher de voir pareil, donc tu vas devoir chasser avec tes mains. Donc voilà, c'est ce genre de trucs qui vont venir te perturber un peu le process et le flou. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Alors, il y a un mode multijoueur aussi que j'ai pas encore pu essayer, donc je vais pas en parler. Mais bon, il y a un mode multi. Je pense que c'est une espèce de battle. Alors, est-ce qu'il y aura du monde? Je sais rien. Mais ouais. Vaut mieux avoir des amis, quoi. Ouais, voilà. Je pense que vaut mieux avoir des amis et des gens qui aiment le jeu, quoi. Enfin, il est à combien déjà sur PSVR? Je crois qu'il est à 24€, si je dis pas de bêtises. D'accord. À vérifier. Il faudrait que je vérifie. Bon, voilà, c'est pas. C'est mignon. 19,99. Voilà, 20 balles. C'est. Merci, Elroco. C'est mignon, mais. C'est rébarbatif, quoi. Je veux dire, t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois. Bon. Après c'est toujours la même chose, ça va être la difficulté qui va changer avec des ennemis différents, mais dans l'esprit ça reste quand même un petit jeu. La même chose, donc bon, voilà. C'est un petit jeu, c'est marrant, c'est rigolo, ça peut être un jeu pour les enfants, c'est assez drôle, c'est cartoonesque, ou ça peut être un jeu à faire avec eux, mais voilà, c'est pas 3 ans de retard, c'est pas la ouais parce qu'en plus c'est vrai que j'en ai pas parlé, t'es en poste fixe, donc tu bouges pas, il y a pas de mouvement ou quoi que ce soit de déplacement, tu es immobile effectivement ça fait un peu office de wave shooter, mais au lieu avec de la circulation au lieu de tuer des gens ou des zombies ou ce que tu veux, tu fais circuler des gens de manière à justement les sauver, tu vois, c'est un peu l'effet inverse pour le coup. D'accord. Voilà. Bon, c'est assez moyen, je le testerai pas, je pense, enfin je le finirai pas jusqu'au bout, je pense pas, mais si je devais lui mettre une note, je taperais le 6, quoi. Le 6 pour la Real, 6,5. J'irai pas plus haut, quoi, parce que c'est pour moi c'est assez redondant, voilà, pour l'instant. Ok. D'accord. Bon, un bon petit jeu arcade qui va pas péter loin, mais qui est quand même sympa et frais. Un truc qui me fait marrer là, je suis sur Steam là sur la page du jeu. Ils mettent les jeux qui pourraient t'intéresser. Ça marque donc ce jeu vous intéresse peut-être, similaire oui. au jeu auquel vous avez joué Dirt Rally 2. Tu me confirmes que ça n'a rien à voir avec Dirt Rally 2 hein, comme jeu. Ah si si, sensation forte, copie. Ouais. Enfin, on est sur de la simulation de copilote. Hein, je voilà, dire, donc, c'est pour du drift. Voilà, exactement. D'accord. Non, mais voilà. accélérer, freiner, attention, virage à droite, virage à gauche. Tu vois, à part j'ai la peur, j'ai cru que ça te recommandait un truc qui n'avait rien à voir, genre Chupa Chupa. Hein ouais, qu'est-ce que ça fout là? Chupa. Ah ouais, c'est le jeu où tu dois chouper plein de trucs, c'est ça? Où tu dois lécher ta langue ouais. qui sort et tu dois lécher absolument tout. Ouais, j'ai pas testé ça encore. Ouais, mais t'es le seul qui peut tester ce truc là quoi. Qu'est-ce que t'attends? Oh, bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'attends? J'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Voilà. Pour acheter ce genre de trucs. Ok, bon bah tu voulais rajouter autre chose, mon petit Majo? Non, écoute, non, c'est... Voilà, essayez si vous êtes curieux, mais bon, je pense que ne vous attendez pas à grand-chose. Voilà. Alors, à choisir, à 19,99, à choisir entre Traffic Jam et Doom 3 VR... Ouais. Ah, je prends No Man's Sky à 15 balles. Oh, putain, il fait chier avec son No Man's Sky, c'est bon. Ok. Bon. On peut pas lui jeter une chaise. Non, on peut pas, c'est con. Hein. C'est con, on est tous chez soi là, merde. Ah, j'ai niqué mon écran, merde. Bon, bah merci en tout cas pour toutes ces explications, mon bon Maljo. Partagé. Je pense qu'à moins que quelqu'un veuille me niquer ma transition parmi vous, on va pouvoir du coup se quitter sur ces bons mots. Et c'est maintenant que tu l'as dit, je cherche à te niquer ta transition. Je sais que c'est ton petit plaisir, pas qu'à toi d'ailleurs. Mais là, j'ai rien à rajouter. T'as rien? Where's Oblivion? Il arrive le 7 octobre. Ah oui. Ah, oui. Ouais. 7 ouais. octobre sur PSVR. On a juste voilà. la date. Voilà. J'ai bien niqué là ou pas la transition? Non, ça va encore, c'était gentil. Donc vous pouvez retrouver aussi la vidéo, la petite preview qu'on avait fait avec Steph sur la chaîne Vrac de ce jeu-là, Wrath of Oblivion. Et puis voilà, c'est tout. En espérant qu'on aura une petite version un peu plus travaillée Que sur PC? Non. Même pas en rêve, Elroco. Même pas en rêve à mon avis. Mais bon, ça, bon tant pis. On verra ça. Et ben, je vous remercie messieurs, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve avec plaisir dans 2 semaines. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de podcast, que ce soit sur iTunes, sur Spotify, Deezer, Podcast Addict, j'en passe et bien d'autres. Et n'hésitez pas à mettre une note, s'il vous plaît, sur le podcast. C'est pas grand-chose, ça vous prendra 5 secondes. Et nous, ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous ne croyez. En tout cas, si vous avez l'habitude d'écouter l'émission, ben voilà, c'est le moins que vous puissiez faire pour nous aider, pour nous motiver à continuer. Et si vous ne le faites pas, on vient avec Lucille et on vous pète les genoux. Exactement. Allez voir Lucille et ensuite vous allez voter. Vous allez vraiment voter. Voilà. Et puis Laurent va redresser les points de ouais ouais ouais, ouais c'est ce que j'étais en train de dire. Putain, faut que je ressorte tous les, faut que ça fasse plus mal, faut que ça reste planté. Putain, il était sur le point de râler quoi. Oh, vous faites chier les gars. Et puis allez voir sur le site, venez nous rejoindre sur le Discord, il y a plein de gens cool. Et puis on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à dans 2 semaines. Allez, ciao ciao ciao, salut, ciao.